Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. S'il réussit cette enquête, sa première enquête, il pourra faire partie de la sûreté au Quai des Orfèvres. Oui, le petit secrétaire deviendra chef de la brigade spéciale du Quai des Orfèvres. En attendant, Maigret est maigre. Madame Maigret a une voix jeune, alors qu'on l'imagine, nous lecteurs, toujours d'un certain âge. On voit encore des chevaux dans les rues et des becs de gaz. L'électricité n'est pas si répandue que cela. Mais la méthode du futur commissaire est déjà bien établie. Se mêler à la vie des gens, étudier leur personnalité, enquêter dans leur passé, attendre et parfois précipiter les événements. Il serait difficile de quantifier les enquêtes littéraires du célèbre personnage de Georges Simenon, mais c'est une certitude, il y eut une première enquête de Maigret. La preuve, grâce à la rediffusion d'une dramatique proposée pour la première fois sur France Culture le 28 octobre 1982. La première enquête de Maigret, de Georges Simenon. Adaptation Eulalie et Jean-Jacques Stein. Avec Daniel Gélin dans le rôle de Maigret. Et Maurice Birot, Jacques Castelot, Marthe Mercadier, Jean Rochefort, Claire Viret. Direction artistique, Jean-Wilfried Garrett. La première enquête de Maigret. Ce jour-là, privilège pour un journaliste, je devais déjeuner en tête-à-tête avec le commissaire Maigret afin de recueillir la suite de ses confidences en exclusivité pour nos lecteurs de Paris Soir. Nous pénétrons dans la fameuse brasserie Dauphine. Mon cher, je suis désolé. Ordre du grand patron, j'ai rendez-vous à 1h au siège social des cafés Balthazar. Garçon ! Monsieur le commissaire. Qu'est-ce que vous utilisez comme café ? Du Balthazar. Pourquoi, il est mauvais ? Non, du tout. Merci. Sans faux col. Figurez-vous que ce Balthazar me poursuit depuis exactement ma première enquête. La première ? Mais c'est intéressant, ça. Oui, enfin, si on veut. Ah oui, tout ça, c'est si loin. Juste avant la guerre. Et nous sommes en 1935. Ça remonte à 22 ans. Bon. Quel intérêt. Comment ? Mais c'est d'une importance capitale. Oh, racontez-moi ça, commissaire. Je peux peut-être vous accompagner. Hein, vous me commencerez votre histoire dans le taxi, je vous attends et nous revenons ici à la brasserie Dauphine où vous me permettrez de vous inviter à déjeuner. À condition que vous passiez le repas sur votre note de frais. Allez. Elle est venue. Ah, rendez-vous compte, la première enquête de Maigret. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Taxi ! Taxi. Ouais, allez, montez. Merci. Taxi, alors, boulevard des Italiens, s'il vous plaît. Bien. Bien, c'était la première fois que je volais de mes propres ailes. On était le 15 avril 1913. Un souverain étranger avait débarqué le matin même en grande pompe à la gare de Longchamp, accueilli par le président de la République, évidemment. Alors, le commissariat de police du quartier Saint-Georges, rue de la Rochefoucauld, restait, elle, relativement calme. Nous étions deux de permanence. L'agent Lecoeur, en uniforme, et alors moi, en jaquette. En jaquette ? Oui, parfaitement, en jaquette. C'était même ma première jaquette. Oui, parce qu'une note de service avait recommandé à tous les auxiliaires de la police à l'occasion de la visite royale d'être en tenue de cérémonie que parce que chacun pouvait être appelé à un moment donné à se mêler aux personnalités officielles. Alors, tandis que l'agent Lecoeur essayait de dormir, moi je potassais un petit livre qui venait juste de paraître intitulé « Cours de signalement descriptif à l'usage des officiers inspecteurs de police ». Oh, affiché. Et oui, alors toujours en jaquette, trois fois déjà depuis le commencement de la nuit, j'avais tisonné le poil. Oh, le fameux poil dont vous gardez toujours la nostalgie. Oui, oui, oui, toujours le même, oui, enfin presque. Que je retrouvais d'ailleurs un jour au Quai des Orfèvres. Le seul poil encore existant aujourd'hui et que j'ai eu tant de mal à conserver lorsque le quai a installé le chauffage central. Cette nuit-là, donc, l'horloge encerclée de noir marquait 1h25. De temps en temps, le seul bec de gaz allumé crachotait. Le poêle, sans raison apparente, se mettait à ronfler. Et ben, ma première enquête allait commencer. Au commissaire. Je suis son secrétaire, Jules Maigret. Et donc, si j'en juge par votre nez de méfier, vous avez été assaillé par un voyou ou... Non, j'ai tenté de me porter au secours d'une femme qui appelait à l'aide. Dans la rue ? Dans un hôtel particulier de la rue Chaptal. Mm-hmm. Je crois que vous feriez mieux de venir tout de suite. Ils m'ont flanqué à la porte. Qui ? Eh bien, une sorte de maître d'hôtel ou de concierge. Ne vaudrait-il pas mieux commencer par le commencement ? Qu'est-ce que vous faisiez au Chaptal ? Eh bien, je revenais de mon travail. Voilà, mon nom est Justin Minard. Je suis second flûtiste des concerts amoureux, mm-hmm. mais le soir, je joue à la brasserie de Clichy, boulevard de Clichy. Mm-hmm. J'habite rue d'Anguin, juste en face du Petit Parisien. Alors, je suivais la rue Balu, puis la rue Chaptal, comme chaque nuit. Mais pas si vite, parce que je suis en train de prendre des notes. Et j'ai aperçu une automobile en stationnement, une De Dion Bouton dont le moteur tournait. Sur le siège, il y avait un homme vêtu d'une peau de bique grise, le visage presque entièrement caché par de grosses lunettes. Comme j'arrivais à peu près à sa hauteur, la seule fenêtre éclairée au second étage d'un hôtel particulier s'est ouverte. Une femme a essayé de se pencher et a crié au secours. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, mais attendez ! Quelqu'un a dû la tirer en arrière, au même moment, un coup de feu a éclaté, l'automobile a démarré. Vous êtes sûr que vous n'avez pas confondu avec un raté du moteur ? J'en suis certain ! J'ai sonné à la porte. Vous étiez tout seul ? Oui. Armé ? Non. Alors qu'est-ce que vous comptiez faire ? Je ne sais à vrai dire pas. Mais les voisins n'ont rien entendu. Mais il faut croire que non. On vous a ouvert ? Mais pas tout de suite, j'ai sonné au moins 3 fois, puis j'ai donné des coups de pied dans la porte. À la fin, quelqu'un a enlevé la chaîne, tiré un verrou. Il n'y avait pas de lumière dans le porche, mais il existe un bec de gaz, vous comprenez, juste au-dessus, devant la maison. Un grand type en costume noir m'a demandé ce que je voulais. Il était tout habillé ? Ben, oui. Oui, et avec son pantalon et sa cravate ? Oui. Pourtant, il n'y avait pas de lumière dans la maison. Sauf dans la chambre du second étage. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez dit ? Mais je ne sais pas, je voulais passer. Pourquoi ? Mais pour aller voir, il me barrait le chemin. Je lui parlais de la femme qui avait appelé par la fenêtre. Mais il a paru embarrassé ? Il me regardait durement, sans rien dire, en me repoussant de tout son corps. Et après ? Il a grommelé que j'avais rêvé, que j'étais ivre, je ne sais plus au juste. Puis il y a eu une voix dans l'obscurité, comme si on parlait du palier du premier étage. Qu'est-ce qu'on a dit ? Dépêchez-vous, Louis. Alors ? On m'a bousculé plus fort et comme je résistais, on m'a envoyé un coup de poing en plein visage. Je me suis retrouvé sur le trottoir devant la porte fermée. Il y avait encore de la lumière au second étage. Non. Et l'auto n'était pas revenu. Non. Nous ferions peut-être bien d'y aller. Comment nous... Vous avez l'intention de m'accompagner ? Ben, c'est moi qui ai reçu le coup de poing. Oui. D'ailleurs, je porte plainte. Non, mais c'est votre droit, en effet. Alors, vous avez dit le numéro de la maison. Le 17 bis. Oui, vous êtes sûr ? Le cœur, passez-moi le registre noir. Non, là. Ah, merci. Voilà. C'est une grosse légume. Accompagnez-moi. Le cœur, oui. Si on me demande, dites que je vais revenir. Bien. Et vous êtes parti comme ça, dans la nuit, avec un inconnu sans plus d'explication. J'avais 26 ans. Il y avait moins d'un an que j'étais secrétaire au commissariat Saint-Georges. Alors, de tout le quartier, le nom le plus prestigieux était sans doute celui des habitants du 17 bis rue Chaptal. Gendreau Balthazar. Entrée en scène des cafés Balthazar. Exact. À cette époque-là, j'étais aussi maigre que le flûtiste Justin Minard. Portait un chapeau melon et un par-dessus mastic semblable au mien sur son habit noir. Si bien que, tandis que nous remontions la rue déserte, nous avions l'air tous les deux de deux adolescents efflanqués. Tenez, voilà l'hôtel particulier, là. Chut ! Dites-moi, mais il n'y a aucune lumière. Je suppose que vous n'avez pas bu, non ? Je ne bois jamais. Ça m'est interdit par le médecin. Vous êtes sûr d'avoir vu une fenêtre s'ouvrir ? Mais certain. Celle-ci, là, la seconde fenêtre. En commençant par la gauche. Mais dit qu'il y avait une automobile en stationnement. Ici, exactement. Pas tout à fait devant la porte, un peu plus haut. Une des théories élémentaires, toujours vérifier un témoignage. J'ai des allumettes bougies. Tenez. Ah, cette flaque d'huile. Je ne pense pas qu'il soit très régulier que vous m'accompagniez. Mais c'est moi qui ai reçu le coup de poing. Oui, je sais. Je me demande sur quel règlement je vais m'appuyer. ça, vous ne doutiez de rien. Je dévoquais un mandat. En outre, on était au milieu de la nuit. En levant la main vers le bouton de sonnette, j'avais la poitrine serrée. Pourrais-je parler de flagrant délit alors que, pour pièce à conviction, je n'avais que le nez tuméfié d'un flûtiste? Qu'est-ce que c'est? Police. Un instant, s'il vous plaît. Oh, c'est lui. C'est lui, je reconnais la voix. Tiens, de la lumière. Ils ont déjà l'électricité là-dedans. Vous l'avez attrapé? Je suppose qu'il a recommencé ailleurs sa petite plaisanterie. Vous permettez que nous entrions? Si vous croyez que c'est indispensable. Alors je vous prierai de ne pas faire de bruit afin de ne pas réveiller toute la maison. Venez par ici. Oh, c'est somptueux, hein. On se croirait dans un ministère. Vous appelez Louis. Comment le savez-vous? Pas assez sortir du lit. Dame, à 2 heures. Où croyez-vous que j'étais? Monsieur Gendrault Balthazar est-il ici? Lequel? Le père ou le fils? Le père. Monsieur Félicien n'est pas encore rentré. Quant à monsieur Richard, le fils, il doit être couché depuis longtemps. Je voudrais parler à monsieur Richard. Ah bon? Vous désirez que je le réveille? Vous voulez montrer votre carte? Bien volontiers, oui. Voilà. Attaché au commissariat Saint-Georges. Vous connaissez donc monsieur Lebray? Voilà, c'est mon chef. J'ai l'honneur de le servir chaque fois qu'il vient déjeuner ou dîner. Vous désirez toujours que je réveille monsieur Richard? Oui. Vous avez un mandat? Non. Très bien. Veuillez attendre dans cette pièce. Ce n'est pas le grand salon. Ce n'est pas non plus l'office. Louis prit un plastron pesé dans un placard, un col, une cravate noire. Puis il endossa son habit qui pendait. Il demeura absent une 20aine de minutes. Si vous voulez me suivre, pas vous. Ah. À moins que vous fassiez aussi partie de la police. Mais c'est que... J'eus un sentiment ridicule. Il me sembla qu'il était lâche d'abandonner le flûtiste derrière moi. Sur les pas de Louis, je traversais le hall à colonnes et je m'engageais dans l'escalier couvert d'un tapis rouge sombre. Sur le palier du premier étage, un homme en pyjama sous sa robe de chambre et les pieds nus dans des mules en cuir de Russie s'encadra dans la lumière d'une porte ouverte. On me dit que vous désirez me parler. Entrez, je vous prie. Vous pouvez disposer, Louis. Non, non, ne fermez pas la porte. Cigarette? Non, merci. Non. Je fume seulement la pipe. Je ne vous invite pas à fumer ici, car j'ai horreur de l'odeur de la pipe. Ah. Je suppose qu'avant de venir, vous avez téléphoné à mon ami Lebray. Non. Ah. Je vous demande pardon si je ne suis pas bien au courant des usages de votre profession. Et venons-en au fait. Quelle heure est-il? 2h25. Et le jour se lève en cette saison vers 5h, n'est-ce pas? Je me figurais que le domicile des citoyens était inviolable du coucher au lever du soleil. Oui, c'est exact. Non. Vous êtes jeune, et sans doute encore plus jeune dans le métier. Même si l'individu que Louis a jeté dehors est dangereux, vous auriez pu attendre jusqu'au matin, ne croyez-vous pas? Asseyez-vous, je vous en prie. Et dites-moi ce que vous désirez savoir. Qui occupe la chambre de l'étage au-dessus? Pardon? Excusez-moi, je sais que vous n'êtes pas obligé de me répondre. Obligé? Voilà, un coup de feu a été tiré cette nuit dans cette chambre. Pardon. Vous êtes dans votre bon sens, je suppose. Nous avons beau vivre une nuit de réjouissance populaire, je présume que vous n'avez pas bu outre mesure. Au père! Entrez donc, père. Je crois que vous allez bien rire. Monsieur, ici présent, est un employé de Lebray. Un ivrogne tout à l'heure ou un fou échappé de Villejuif a presque défoncé la porte cochère. Louis a eu toutes les peines du monde à l'empêcher d'entrer. Maintenant, monsieur... Maigret, le secrétaire de monsieur Lebret. Et que voulez-vous savoir, au juste ? Qui est la personne qui habite la chambre dont la fenêtre est la seconde à gauche, au-dessus de nous ? C'est ma sœur Lise. Vous voilà renseignée ? Elle est ici en ce moment ? Non. Elle est à Anceval. Dans notre château d'Anceval, près de Pouilly-sur-Loire, dans la Nièvre. Et de sorte que la chambre est vide. Non, j'ai tout lieu de le supposer. J'imagine que vous désirez vous en assurer. Je vous accompagne. Ainsi, demain, je pourrai féliciter notre ami Lebret sur le zèle de ses subordonnés. Suivez-moi, je vous en prie. Monsieur Félicien Gendreau, le père, nous suivit. Il me semblait inquiet, mais d'une inquiétude étrange. Il regardait son fils avec une sorte de soumission. Il n'osait pas ouvrir la bouche. On aurait dit qu'il attendait la permission de son fils Richard. Voici la chambre dont vous parlez, monsieur Maigret. Une chance qu'elle ne soit pas fermée à clé. Faites vos constatations, je vous en conjure. Ma sœur sera charmée d'apprendre que la police est venue fourrer les pattes dans ses affaires. Personne n'est entré ici ce soir, et pourtant un coin du voilage est pris dans la fenêtre. Oh, à moins qu'une des femmes de chambre... Dites-moi, il y en a plusieurs dans la maison ? Deux, figurez-vous. Oui, Germaine et Marie. Il y a aussi la femme de Louis, qui est notre cuisinière. Il y a même une lingère mariée. Elle vient le matin et repart le soir. Quelqu'un qui passait un peu avant une heure et demie devant la maison a entendu cette fenêtre s'ouvrir brusquement et une femme affolée appelée au secours. Elle a été tirée en arrière et à ce moment précis, il y a eu un coup de feu. Vraiment ? Oui. Ce qui m'étonne, monsieur... Maigret, c'est bien Maigret, n'est-ce pas ? C'est qu'en présence d'une accusation aussi grave, vous soyez accouru ici un peu légèrement, ce me semble. Vous êtes-vous seulement renseigné sur ce passant à l'imagination si fertile ? Cependant, afin que vous puissiez demain faire votre rapport complet à notre ami Lebret, je vous prie de vous livrer aux petites constatations d'usage. Tenez, voyez. Le lit n'a pas servi cette nuit. Des draps sans un faux pli. Un oreiller immaculé. Cherchez, je vous en prie. Reniflez dans les coins. Vous êtes-vous muni d'une loupe ? Non, c'est pas nécessaire. Excusez-moi. En dehors de notre ami Lebret, je n'ai eu l'honneur de faire connaissance avec la police qu'à travers les romans. On a tiré, dites-vous. Peut-être y a-t-il un cadavre quelque part. Suivez-moi. Cherchons ensemble. Dans ce placard, qui sait ? Rien que les robes. Ici, les chaussures de lit. Il y a les folles de chaussures. Passons à son boudoir. Venez, mais si, je vous en prie. Une demi-heure de cauchemar. Je n'avais d'autre parti à prendre qu'obéir. C'était littéralement des ordres que Richard m'adressait. Lorsqu'il donnait quelque chose de fantomatique à nos déplacements à travers l'hôtel particulier, c'était la présence sur nos talons du vieux Félicien Gendreau Balthazar, qui avait toujours le chapeau classe sur la tête, sa cape sur les épaules, sa canne à pommeau d'or à la main, une silhouette qui semblait sortir d'une couverture de la vie parisienne. Nous sommes à l'étage mansardé où couchent les domestiques. Ah, allons-y. Ouvrez, Germaine. Mon Dieu, peu importe si vous êtes en chemise, c'est la police. Ah, Germaine, avez-vous entendu un coup de feu ? Un quoi ? Depuis quelle heure êtes-vous couchée ? Je suis monté à 10 heures. Et vous n'avez rien entendu. Merci. À la suivante. Marie, ouvrez. Oui, oh non, mon petit, ça n'a pas d'importance. Vous avez entendu un coup de feu, Marie ? Non, ne soyez pas terrorisé. Excusez-la, monsieur Maigret. Elle n'a que 16 ans. Il y a longtemps que vous dormez ? Je ne sais pas. Non, mais vous avez entendu quelque chose. Non, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Question à poser, monsieur Maigret? Mais je voudrais lui demander d'où elle vient. Ah, d'où venez-vous, Marie? D'Anseval, monsieur. Eh, comme Germaine et Louis. D'Anseval, monsieur Maigret. Je vois que vous ignorez que les personnes qui possèdent un château ont l'habitude de faire venir leurs domestiques du pays. La porte suivante. J'ai la chambre de madame Louis. Mais son mari dort en bas dans la loge. Est-ce que vous avez bientôt fini ce vacarme? Ah oui, Louis? Ben, en bas. Dites-moi, vous avez entendu un coup de feu? Et c'est pour ça que vous me réveillez? Ben, il y a eu assez de pétards toute la nuit. Et on ouvrait toujours des portes sur des chambres vides, sur des cabinets de débarras, sur des mansardes. On ne fut même pas grâce du grenier. Il me fallut ensuite descendre au premier étage et visiter les appartements du père et du fils. Reste les salons. Mais si, si, je tiens beaucoup. Il alluma le lustre d'apparat aux cristaux qui tintaient. Et toujours derrière nous, Gendreau père, toujours silencieux. Pas de cadavre, pas de blessé, vous avez tout vu. Vous ne voulez pas descendre à la cave. Vous remarquerez qu'il est maintenant 3h15. Ah, j'oubliais, l'office, pas ici. Louis. Tiens, tiens. Est-ce là le jeune fou au coup de feu? Oui, Justin Minard, monsieur, pour vous servir et justement... Je suppose, monsieur Maigret, que j'ai le droit de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et tentative de violation de domicile. C'est votre droit, en effet. Je vous souhaite le bonsoir. Louis, vous reconduirez ces messieurs. En somme, Richard s'était royalement payé votre tête. Oui. Oui, mais comme on dit de nos jours, il avait lancé le bouchon trop loin. N'empêche que nous nous sommes retrouvés déroutés, un petit peu inquiets quand même sur le trottoir de la rue Chaptal. Alors je me suis machinalement retourné vers la tache d'huile sur le pavé de bois, comme pour me raccrocher malgré tout à quelque chose de tangible. Je vous jure que je n'ai pas bu et que je ne suis pas fou. Je crois. Hein. Je vous accompagne au commissariat à signer ma déclaration. Je tiens à porter plainte contre le dénommé Louis. Vous êtes marié? Oui, oui. Vous ne voyez pas que votre femme va s'inquiéter? Ça n'a pas d'importance. Vous avez l'air embêté. Ben, voyez-vous, j'étreigne cette nuit ma première jaquette et elle me serre un petit peu sous les bras. Et voilà ton café. Bah, tu es déjà réveillé? À quoi pensais-tu? Il est de règle absolue que les fonctionnaires agents de la sûreté doivent tout leur temps au service. Toute enquête ou surveillance commencée doivent être, en principe, poursuivis sans désemparer. Aucun loisir ne saurait leur être assuré à des heures ou même à des jours fixes. Je l'ai accepté en t'épousant, Maigret. Heureusement que je ne suis pas jalouse. J'ai quitté le commissariat à 5h du matin. Dehors, l'air était si vif, les rues de Paris avaient une telle saveur que j'ai fait un détour par les Halles pour renifler l'odeur des légumes et des fruits de printemps. Ah, j'aime t'entendre rire. Tu ressembles à une belle fille fraîche, comme on en voit dans les pâtisseries. Louise, est-ce que... Oh, tu as peur tout à coup que je m'ennuie. Eh bien, rassure-toi, jamais je ne m'ennuie. Et rassure-toi, je ne m'ennuierai jamais. Ton café refroidi. C'est du Balthazar. Pourquoi me demandes-tu ça? Il n'est pas bon? Non, mais pourquoi as-tu choisi ce café-là plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il est meilleur? Oh, il n'est pas plus mauvais qu'un autre. Il y a les images. Ah oui. Ah oui, j'ai oublié l'album. Avec 3 collections complètes, on a droit à une chambre à coucher en noyer. Bon, le temps de faire ta toilette et le petit déjeuner sera servi. J'aime bien t'accompagner jusqu'à ton bureau. Mais comme tu conduirais un enfant à l'école. Oh, mais je m'arrête à mi-chemin, car tu serais gênée de rencontrer un collègue. Mais oui, ne t'inquiète pas. Ah, tu es pleine de délicatesse. Ah, je t'aime. Je t'aime parce que tu comprends un tas de petites choses semblables qui me rendent la vie agréable. Bon, moi, je n'arrive pas en cabriolet comme le commissaire. Monsieur Lebray est probablement le seul commissaire de police de Paris à posséder son équipage et à habiter la plaine Monceau. Alors, rituellement, chaque matin, il passe d'abord au cercle Hoche, escrime, natation, massage... Mais oui, mais lui, il ne rentre pas à 6 heures du matin après une nuit de permanence. Ces jours-ci, nous sommes les milliers dans ce cas, tu sais. Mais le roi ne va pas aller se promener quartier Saint-Georges. Il n'empêche que tous nos hommes disponibles ont été envoyés au commissariat d'opéra. Un ennemi ? Mon rapport de cette nuit se trouve sur le bureau de M. Lebray. Alors, j'y pense avec une sourde angoisse parce que... C'est mon premier rapport important, tu comprends. Je suppose que tu ne sais pas quand tu rentreras. Aucun loisir ne saurait leur être assuré à des heures ou même à des jours fixes. Oh, on se croirait au catéchisme. Maigret, venez mon petit Maigret, entrez. J'ai lu votre machin. Vous avez fait ce que vous avez cru devoir faire. Votre rapport est très détaillé, très clair. Merci, monsieur le commissaire. Il y a même question de moi. Non. Je ne vous en fais aucun reproche, au contraire. Mais j'ai tenu à transcrire fidèlement toutes les paroles prononcées. En somme, vous avez eu tout le loisir de visiter la maison. Vous avez pu vous rendre compte qu'il n'y avait rien d'anormal. Appelez-moi à Besson, voulez-vous ? Encore une chance qu'on nous ait laissé au moins un inspecteur. Monsieur le commissaire, j'ai un petit travail pour vous, mon vieux Besson. Vous allez me faire une enquête discrète sur ce Justin Minard, dont voici l'adresse. Le plus tôt sera le mieux. Non, j'y vais, patron. Eh bien voilà, mon petit Maigret. C'est la seule chose à faire pour le moment. Ainsi, tout ce qu'il y avait à faire, selon votre commissaire, c'était d'ouvrir une enquête sur le flûtiste. Pourquoi pas l'arrêter et le passer à tabac? Nous avons la même réaction à 20 ans de distance. Ce matin-là, je voulais donner ma démission. Je me suis même tâté pour téléphoner au grand patron, vous savez, Xavier Guichard, ou aller le voir. Ah oui, mais c'est vrai, vous connaissiez personnellement le chef de la sûreté. Il avait souvent passé ses vacances près de chez nous, dans l'Allier, où il avait été un ami de mon père. Il vous protégeait en quelque sorte? Non, pas à proprement parler. Enfin, il me suivait discrètement de loin, ou plutôt de haut. Alors c'était lui, sans doute, qui depuis 4 ans me changeait sans cesse de service afin de me donner plus vite l'expérience de tous les rouages de la police. Et alors je cogitais toujours rageur, assis à mon pupitre noir. Ah, brigadier, est-ce que tous les hommes de service la nuit dernière ont déjà fait leur rapport? Non, monsieur le secrétaire, non, pas tous. Mais voilà, j'aimerais que vous leur posiez une question. A-t-on aperçu entre... minuit et 2 heures, une deux-dieux mouton dans le quartier. Le chauffeur portait une peau de bique grise. Bien. Entendez, monsieur. Merci. Oh, tant pis pour le commissaire. Moi, je sais qu'il a épousé une des plus riches héritières de Paris. Il connaît personnellement les gendarmes. Mais moi, je connais ma théorie. Toute enquête ou surveillance commencée, etc. Non, l'enquête m'appartient. Balthazar ou pas Balthazar. Ah, si seulement les paupières me picotaient, moi. Je profiterai de ma pause déjeuner pour piquer un petit somme. Monsieur le secrétaire, voici une note à votre attention. Merci. Allons voir. Le gardien de la paix, Julien, a relevé la présence de la voiture de Dion Bouton à 1h30, alors qu'elle stationnait rue Mansart à hauteur du numéro 28. Il n'y avait pas d'autre occupant que le chauffeur, lequel correspond à la description donnée. La voiture est restée environ 10 minutes rue Mansart et est repartie en direction de la rue Blanche. Mon petit Maigret, vous avez un moment? Oui, tout de suite, monsieur. Entrez. Asseyez-vous. Merci, asseyez-vous. Cigarette? Non, moi, c'est vrai, j'ai oublié, vous fumez la pipe. Ah, moi, je préfère les égyptiennes à bout doré. J'ai relu votre rapport avec soin. Très bon rapport, d'ailleurs. Je vous l'ai déjà dit. J'ai également eu une conversation avec Besson au sujet de votre ami le flûtiste. Rien n'a redit, sinon des broutilles. Il doit 3 mois de charbon à son bougna. Les locataires se plaignent qu'il joue de la flûte à longueur de journée, fenêtre grande ouverte. Sa concierge l'adore. Sa femme est une espèce de carmen forte en gueule. La concierge prétend même qu'elle le bat. Legendro Balthazar ne vous ont pas téléphoné? En effet, oui. Richard Gendro a été parfait. Même s'il s'est un tout petit peu moqué de vous et de votre zèle. Allons, ne vous renfrognez pas. Dites-moi maintenant, qu'auriez-vous fait à ma place? Demander un mandat de perquisition? À quel titre? Y a-t-il flagrant délit? Aucunement. Y a-t-il un blessé, un cadavre? Pas que nous sachions. Mais il y a la plainte de Minard et sa déposition. Le flûtiste, j'y arrive. Il est le seul à avoir vu et entendu quelque chose. Prenons la question du strict droit administratif. Votre procès-verbal suivra la route habituelle jusqu'au préfet de police, qui jugera s'il doit le transmettre au parquet. La plainte du flûtiste contre le maître d'hôtel suivra elle aussi la filière. La famille Gendro est une des plus en vue de Paris. N'importe quel petit journal de chantage serait trop heureux de sauter sur l'occasion à la moindre indiscrétion. J'ai compris. Ah oui, oui. Vous pensez que je protège ces gens-là parce qu'ils sont puissants ou parce qu'ils sont mes amis? Mais une seconde, que diable! Laissez votre rapport tranquille sur mon bureau. Il n'y a aucune raison de la déchirer. Ce midi, contrairement à mon habitude, j'ai déjeuné chez moi. Oui, nous avions des amis. Soudain, au beau milieu du repas, en regardant ma femme, un détail m'est revenu. Hier, elle a pris le thé Faubourg Saint-Honoré avec la comtesse d'Estiraud, Élise Gendreau. Voilà. Voilà, mon ami, ma femme me l'a confirmé. À aucun moment, Lise n'a parlé de se rendre en Sval. Un instant, ne triomphez pas trop vite. Son frère vous a déclaré que Lise Gendreau se trouvait dans la Nièvre. Donc, Richard a menti. Richard Gendreau ne vous parlait pas sous la foi du serment. Oui, mais maintenant... Maintenant, voici ce que je vous conseille. Avez-vous déjà établi vos projets de vacances? Sinon, vous pourriez les prendre dès aujourd'hui. Un policier en vacances n'est plus un policier. Dois-je comprendre, monsieur le commissaire, que vous me confiez l'enquête? Disons qu'il y a des démarches que vous pourriez vous permettre, alors qu'il serait difficile à l'administration de les couvrir. Bien entendu, je vous recommande la plus élémentaire discrétion. En cas de nécessité, appelez-moi, mais de préférence, boulevard de Courcelles. Mais non, je vous en prie. Ne remerciez pas. Votre femme va bien? Elle s'habitue à la vie de Paris, à son nouvel appartement? Bon, vous avez bien toujours? Oui, vous avez bien. Ça va. Et ce sont les huissaires qui rentrent à la caserne. Et prise d'armes aux Invalides et déjeuner officiel à l'Élysée. Ah, bonjour. Tiens, c'est vous. Bonjour. Congé. Oui. En avril? Ah ben. Avec cette visite royale qui nous met sur les dents pire qu'une bande de 50 anarchistes. Congé. Bébé? Non, pas bébé. Malade? Non, pas malade. Ça devient plus inquiétant. Enfin, ça te regarde. Bonnes vacances quand même. Eh ben, il y a toujours eu des vénards. Oh, n'oublie pas tes manchettes. Je peux vous accompagner? Vous êtes renvoyé, en somme, et à cause de moi? Non, on ne voit pas un fonctionnaire aussi facilement. Non, je suis en vacances. Il préfère que vous ne soyez pas là pour le moment, n'est-ce pas? Dites-moi, et ma plainte? Ils vont pas escamoter ma plainte. La plainte suit son cours. Non, mais tant mieux. Surtout que j'ai des nouvelles pour vous, en tout cas, eu des nouvelles. Annoncez-la-moi devant qui vous voudrez. J'aime bien les places Saint-Georges avec son petit côté provincial. Et le bistrot, là, sent bon le petit vin blanc. Allez, venez. Patron, je vous voudrais. Non, pas pour moi, patron. Malheureusement, à Vichy Fraise, je ne peux pas boire d'alcool. Vous avez vu deux bonnes dans la maison. C'est bien ce que vous m'avez dit. Germaine et Marie. Sans compter Madame Louis, la cuisinière. J'ai bavardé avec la crémière qui sert les Gendreau, rue Fontaine. L'aînée des bonnes, Germaine, est depuis samedi dans l'Oise, où sa sœur attend un bébé. Puisque la femme de chambre, Germaine, n'était pas dans la maison, c'est probablement Lise Gendreau que j'ai vue en chemise dans la chambre de bonne. Vous croyez? Enfin, de toute façon, Richard a menti. J'ai toutes mes journées libres. Si vous voulez pas plus tard que demain, je prends le train pour Conflans et j'essaierai de rencontrer Germaine. Ah, je vous aime bien, Justin. Il n'avait plus que jamais l'air d'un chien affectueux rapportant un morceau de bois à son maître. J'ignore à quoi ça tient, mais les gens éprouvent toujours le besoin de me raconter leur histoire. Du beau mimosa, tout frais, arrivé de Nice. Ah, petite, une botte. C'est combien? Oh, pas cher, monsieur, 2 sous. Voilà. Attendez. Si. Voilà. Oui, c'est pour ma femme, nous sommes deux jeunes mariés. Elle ne connaît la Côte d'Azur que par 4 postales en couleur, représentant la baie des anges. Le café Balthazar de monsieur est avancé. Alors, comment me trouves-tu? Oui. Une casquette, un foulard, une veste usagée constituent, l'expérience l'a démontré, un très efficace déguisement. Oui, il faudra le mois prochain que tu t'achètes un costume. Oui. Mais cela signifie, n'est-ce pas, Madame Maigret, que je ne suis pas déguisée. Tu as une fois de plus raison, épouse subtile. Bon, je porterai donc col, cravate et chapeau melon. Non, tu comprends, Louise, si je réussis, c'est la quasi-certitude d'entrer tout de suite au Quai des Orfèvres. Faire partie de la sûreté. Peut-être même de la fameuse brigade du chef, comme on appelle la brigade des homicides. À 7 heures, j'ai pris en quelque sorte possession de la rue Chaptal. Le vieux Calvados venait d'ouvrir. Le seul endroit de la rue où trouver refuge, au coin de la rue NR, presque en face... La maison des Gendreau. C'est pour casser la croûte? Qu'est-ce que vous diriez de quelques tranches d'andouille avec une bolée de cidre? D'accord. Ben, c'est encore ce qu'il y a de meilleur pour tuer le ver. C'est ainsi que cette journée s'embraya. Une journée comme je devais en vivre beaucoup au cours de ma carrière. Alors, à l'image de Paumel, le patron, l'endroit était assez extraordinaire. Dans cette rue, d'hôtels particuliers, d'immeubles de rapport... Le vieux Calvados avait l'air d'une auberge de campagne. L'odeur aussi était unique. Cela tenait à la trappe qui communiquait avec la cave. Une sorte d'haleine en montée, acide, vieille barrique, cidre, Calvados, moi si sûr. Des persiennes s'ouvraient par-ci par-là, des femmes en papillote regardaient dans la rue. Tous les rideaux de l'hôtel Gendreau étaient clos. Oui, mais qu'est-ce qui vous poussait à tenir cette planque? Les agents chargés d'une surveillance ne s'appartiennent plus, leurs actes sont en effet déterminés par les démarches même de l'individu surveillé. Ah, le manuel. Voilà. Et par manque d'expérience, j'ai éprouvé le besoin d'expliquer ma présence. J'attends quelqu'un. Oui, ouf. Il mangeait lui aussi au comptoir d'épaisses tranches d'andouille arrosées de rasade de cidre. Il se mouvait lentement à travers la pièce, un torchon à la main. Il l'accrochait à ses bretelles quand il s'en servait pas. Après le cidre, Paumel s'adonna à un autre genre d'exercice. Il contemplait plusieurs cruchons de Calvados, hésitait et finissait par en choisir un. D'autorité, il remplissait 2 verres, en poussait 1 vers moi, désignait l'horloge à côté d'un calendrier réclame et prononçait simplement « C'est la bonne heure ». Et ce régime a duré longtemps? Et pratiquement toute la journée. De demi-heure en demi-heure. Vous faisiez déjà preuve d'une solide constitution. Ouais. Alors en face, vers 9h30, Louis, en gilet rayé, ouvrait la porte cochère qui resta ouverte. Richard Gendreau, en complet gris, œil à la boutonnière, prenait place dans une limousine noire au gros phare de cuivre. Et 3 quarts d'heure plus tard, je tentais une expérience. Vous avez le téléphone et un annuaire? À l'entresol, en face des cabinets. Un escalier en colimaçon aboutissait à une petite pièce basse de plafond. J'appelais la direction du café Balthazar, boulevard des Italiens. Je voudrais parler à monsieur Richard Gendreau, s'il vous plaît. De la part de qui? De la part de Louis. Allô, Louis ? Le ton était inquiet. Je raccrochais. Par une des fenêtres qui s'amorçait dès le plancher, je pouvais voir Louis qui fumait une cigarette campée sur le trottoir. Il rentra précipitamment à l'hôtel. Sans doute son patron de l'armée le rappelait-il. Au bout d'un moment, je téléphonais de nouveau. Allô ? Je suis bien chez Monsieur Gendreau Balthazar. Je voudrais parler à Mademoiselle Gendreau, s'il vous plaît. Mademoiselle n'est pas ici. Qui est à l'appareil ? À 11h, dans la cour des Gendreau, un cocher attela un cheval bai à un coupé. Le vieux Félicien Gendreau, le père, en jaquette, gants et chapeau beige, canne à la main, ses moustaches bien cirées, allait faire un tour au bois avant d'aller déjeuner à son club. À midi, toutes les tables du vieux Calvados étaient occupées. Peintre en blouse blanche, ouvrier des chantiers voisins, puis aussi des cochers de fiacre. Enfin, vers 2h30, se produisit le premier événement. Alors que le vieux Calvados redevenait désert, une De Dion Bouton grise, sans passager, conduite par un chauffeur en peau de bique portant de grosses lunettes, passait lentement. Alors je relevais facilement le numéro, B780. Peut-être était-ce un signal ? Je me le suis demandé. Alors je restais là, le cœur battant. Et moins de 5 minutes plus tard, la De Dion Bouton renouvelait son manège, toujours au ralenti. Le patron me fixait d'un regard sans expression. Il se contenta de remplir 2 verres et d'en pousser un vers moi. La rue Chaptal s'assoupissait. Et alors vers 4h, second événement. Tiens, voilà Louis. Il va sûrement chercher un fiacre. Ah bon ? Louis vient quelquefois ici ? Jamais. Mmh. Une sale tête. Il y a aussi des gens qui sont francs et d'autres qui ne sont pas. Effectivement, Louis revenait avec un fiacre. Alors la petite Marie, en tablier et bonnet de dentelle, la taille aussi fine que celle de Polaire, apparut sous la voûte portant un sac de voyage qu'elle remit au cocher. Une jeune fille la suivait. Grande, bien en chair, vêtue d'un tailleur bleu marine, chapeau bleu à voilette blanche à gros pois. Et je me suis senti bêtement rougir. Parce que vous l'aviez vue en chemise, dans le désordre d'une chambre de bain. Oui, vous l'avez deviné. Mais cela ne pouvait être que Lise Gendreau, qui, très digne, malgré sa précipitation, prenait place dans le fiacre. Alors j'en étais si ému que je faillis en oublier de relever le numéro. 48. Et voilà. Voilà quoi ? C'est ce que vous attendiez, n'est-ce pas ? C'est Mademoiselle Gendreau ? Café Balthazar. Oui, monsieur. Mais vous croyez qu'elle part en voyage ? Mais pour qui vous travaillez ? Je travaille pour personne. Non, tant pis. Tant pis, je vous avais pris pour un ami du comte. Quel comte ? Peu importe. Vous croyez que Mademoiselle Gendreau est allée retrouver un comte ? Voilà, je vais vous dire, j'appartiens à une agence de police privée. Voyez-vous ça ? Je me doutais qu'il se passerait quelque chose. Et ça s'est passé, vous voyez ? Oui. Jeune homme, pour mentir, faut être un vieux singe. Qu'est-ce qui chargera une agence de police privée de s'occuper de ça ? Pas le compte, n'est-ce pas ? Encore moins ces messieurs Gendreau, père ou fils. Je vous demande pardon, je vous mets pas d'or. Vous pouvez rester là si bon vous semble. 5h, l'heure de ma sieste. Et ça, c'est sacré. Il y avait une chaise à fond de paille derrière le comptoir. Et Pommel s'y assit, le dos tourné à l'aventure. Croisa les mains sur son ventre. Ferma les yeux et parut sombrer instantanément au sommeil. Génial, le coup de la sieste. Oui. Ah oui, mais j'avais plus qu'à prendre congé assez penaud, je reconnais. Alors, j'aurais dû comprendre très vite que Pommel connaissait tous les secrets du quartier. Une fameuse leçon, votre première enquête. Oui, mais elle n'est pas complètement terminée. Enfin, je parle de la leçon. Ah. Alors, après un moment d'abattement dans l'après-midi, peut-être à cause d'une digestion un peu trop difficile, des petits verres ingurgités depuis le matin, je me sentais néanmoins, je sais pas, d'aplomb. Un instant, je n'ai voulu à mon commissaire de m'avoir permis cette enquête. Et j'étais pas loin de penser que c'était un mauvais tour que Lebray m'avait joué sciemment. Est-ce qu'un homme tout seul pouvait s'attaquer à une forteresse comme l'hôtel des Balthazar ? Oui, pourtant, j'étais content d'être seul à renifler dans les coins. Oui, sans vous douter que ce serait un jour votre méthode. Qu'est-ce que vous appelez ma méthode ? Vous mêlez à la vie des gens et vous occupez davantage de leur mentalité et même de ce qui leur est arrivé 20 ans auparavant que d'indices matériels. Ce qui ne vous empêche pas, aujourd'hui, que chef à votre tour de la brigade spéciale, avec une petite armée de policiers sous vos ordres, vous continuez à faire personnellement une planque pendant des heures dans un bistrot ou à filer un suspect. Alors, avant de quitter le vieux Calvados, où Bommel ne m'accordait plus que la suprême indifférence, j'avais encore deux coups de téléphone à donner. Trois, plus exactement. D'abord au service des automobiles de la préfecture. La De Dion-Bouton appartient au marquis de Bazancourt, 3 avenue Gabriel. Je voudrais parler au marquis de Bazancourt, s'il vous plaît. Ah, monsieur le marquis est mort, il y a 3 mois. Ah bon, mais personne ne le remplace ? Pardon, je ne comprends pas. Non, je me suis mal exprimé, enfin, je veux dire... Tous ces biens ont été vendus, il n'y a que l'hôtel qui n'est pas encore trouvé preneur. Ah bon, et savez-vous qui a acheté la De Dion-Bouton ? Un mécanicien de la rue des Acacias, dans l'avenue de la Grande Armée. J'ai oublié son nom, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre garage dans la rue. Allô, l'urbaine. Alors, je voudrais retrouver le cocher de fiacre numéro 48, s'il vous plaît. 48, à partir au dépôt de la Villette. Son cocher s'appelle Eugène Cordille. Il a pris son service aujourd'hui à midi. Il y a peu de chances qu'il rentre au dépôt avant minuit. Mais savez-vous où je peux le rencontrer d'ici là? Oh, l'habitude, il stationne place Saint-Augustin, mais ça dépend évidemment de ses courses. Il y a par là un petit restaurant, au rendez-vous du Massif Central. Il y casse la croûte chaque fois qu'il peut. Le garage à côté est fermé. Ah oui, Dédé, il n'est pas venu aujourd'hui. Il bricole, vous savez. Oui. N'avez pas son adresse personnelle? Bah, il vit dans un hôtel meublé, du côté des Ternes, je sais pas juste quel. Il est marié? Si on veut. Compris. Votre Dédé était un monsieur d'un genre assez... Oui. Alors je me pointais au rendez-vous du Massif Central, en vain. Il s'avérait plus simple finalement de toucher le cocher de fiacre à minuit à son dépôt de la Villette. Alors je rentrais enfin chez moi. Monsieur Maigret, j'ai un billet important pour vous. On m'a bien recommandé que vous le lisiez avant de gagner votre appartement. Bon. Voyons voir. Venez me voir à la brasserie Clichy. La demoiselle est là-haut avec votre femme. Votre tout dévoué, Justin Minard. Bon, bah, demi-tour. Ah, madame Maigret, on a encore pour une petite heure à m'attendre. Garçon, s'il vous plaît, vous m'apportez une choucroute et un demi, là, près de l'estrade. Je vous demande pardon de vous avoir prié de venir jusqu'ici, mais il était important que je vous parle avant que vous ne voyiez la Germaine. Sa sœur a accouché ? Ben non, justement pas encore. Je me suis présenté en tant qu'agent d'assurance, puisque la jeune dame allait avoir un bébé, c'était le moment idéal pour signer une police. Mais la Germaine n'est pas tombée de la dernière pluie, elle m'a attaqué tout de suite, bille en tête. C'est Louis qui vous envoie ? Pas du tout. Mais c'est pas le comte non plus. Non. Donc vous les connaissez. Mais dites donc, vous seriez pas un homme à monsieur Richard? Quand comptez-vous reprendre votre service? On m'a vu souvent que je remettrais les pieds dans cette boîte. Notre histoire d'assurance tient pas debout. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Une seconde, il faut que j'y aille. Je le croyais flûtiste. Ah, sacré Justin. Le soir, il joue de la contrebasse et derrière son instrument, il part encore plus fluet. Oh, c'est pas trop gras, cette choucroute. Bernard peut me remplacer pour ce morceau. Alors, où j'en étais? J'amène vous demander ce que vous vouliez. Ah oui, bon. Alors, tant pis si j'ai mal fait, je lui ai avoué la vérité. quelle vérité? Que la demoiselle avait appelé au secours, que j'avais reçu un coup de poing de Louis, que vous étiez venu, qu'on vous avait montré une fille en chemise en prétendant que c'était Germaine. Elle est devenue furieuse, et avant que j'aie pu spécifier qu'il n'y avait pas d'enquête officielle, aussi sec, elle s'est habillée. Je ne savais pas où la conduire. Elle est chez vous. J'ai pu parler bas à votre femme sur le palier. Oh mon Dieu, quelle femme douce vous avez. Je lui ai recommandé de ne pas la laisser filer. Vous m'en voulez? Bon, comment vous en vouloir? C'est peut-être une bonne chose. À mon avis, c'est une fille qui a la passion d'épater les gens, de se rendre intéressante. Vous comprenez? Oui, elle a sans doute rêvé d'être actrice. Exact. Alors, je me permettrai de passer chez vous demain matin, maintenant que je connais la maison. Encore un détail. Germaine m'a demandé qui paierait les frais. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Vous savez, si ça vous gêne, je peux... Excusez-moi, mais le chef me fait signe, vous savez ce que c'est. Il y a une charmante jeune fille qui t'attend. Le phénomène était là, les coudes sur la table, une cigarette aux lèvres, mais visiblement, elle ne savait pas fumer. Et devant elle, il y avait un petit verre. Et Madame Maigret avait sorti son kirsch des grands jours. C'est sûr que vous êtes de la police? Voici ma carte. Je suppose que tu n'as pas dîné? Si, j'ai dîné. Bon, dans ce cas, je vous laisse. Faut que je fasse ma vaisselle. Dites-moi, il y a longtemps que vous connaissez Mademoiselle Gendreau? Nous avons été à l'école ensemble. À Anseval? Ça m'étonne que l'héritière des cafés Balthazar ait fait ses études dans une petite école de village. Ah, elle, non! Elle était au couvent à Nevers. Mais c'était à la même époque. Elle aura 21 ans le mois prochain. Moi, je les ai depuis 15 jours. Mais vous vous attendiez à ce qu'il se passe quelque chose, rue Chaptal? Ils se détestent, Mademoiselle Lise et son frère Richard. Il y a 4 ans, moi, que je suis dans la maison. Tout de suite après la mort de madame. Vous connaissez bien la famille? Ah ben, je suis né en Zal. Mon père aussi. Et mon grand-père était un des fermiers du comte. Il a joué aux billes avec le vieux monsieur. Enfin, dans le pays, on désigne encore ainsi monsieur Hector, le vieux Balthazar. À 12 ans, monsieur Hector était colporteur. Et c'est lui qui a fondé les cafés Balthazar. Alors, quand on l'a revu au pays, ben, il était déjà riche. Il avait racheté le château d'Anseval. Il a eu une fille et un fils. Et celui-ci était aussi doux que sa sœur était dure. Et c'est elle, alors que le père, monsieur Hector, a associé à ses affaires. Cette fille a épousé monsieur Félicien Gendreau, et ils sont donc les pères et mères de Lise et Richard. Monsieur Félicien n'avait pas non plus le droit de s'occuper des affaires. Mais à quel âge est mort monsieur Hector? À 88 ans. Ben, il y a 5 ans. Juste un an avant sa fille, madame Félicien. Ah ben lui, alors, il détestait tout le monde. Son fils, puis son gendre et son petit-fils, monsieur Richard, qu'il a bien connu. Il faisait exception que pour sa fille et sa petite-fille, mademoiselle Lise. Ah, il prétendait que ces deux-là seuls étaient de sa race. Alors, en conséquence, il a laissé un testament pour facile. Bon, tant que sa fille, madame Félicien, vivait, le testament n'avait pas d'importance. Mais alors, depuis la mort de madame, il paraît que ça se complique. Enfin, tout ça se découvrira quand mademoiselle Lise atteindra ses 21 ans le mois prochain. C'est pourquoi ils sont tellement enragés en ce moment. Remarquez-moi, je suis ni d'un côté ni de l'autre. Si j'avais voulu... Monsieur Richard... Oh, il a assez couru après mes jupes. Non, je lui ai déclaré carrément qu'il se gourait. Si vous voulez mon avis, ils sont tous un peu fous. Louis est originaire d'Anseval, lui aussi. Bah, lui, c'est le fils de l'instituteur. Enfin, il y en a qui prétendent qu'en réalité, il est le fils du curé. Et il est du côté de monsieur Richard. Qu'est-ce que vous dites? Mais il passe sa vie sur les talons de mademoiselle Lise. Il est resté avec le vieux jusqu'à sa mort. Non, il doit en savoir plus long que n'importe qui. En fin de compte, si quelqu'un a tiré sur mademoiselle, et ça m'étonnerait pas, c'est sûrement monsieur Richard, au cours d'une de leurs disputes. Mais ils se disputent souvent? Oh, bah, quasiment tous les jours. Ils se battent même plus souvent qu'à leur tour. Cependant, je parierais que c'est... pas sur mademoiselle qu'on a tiré. Monsieur Guido? Sur le comte. Quel comte? Mais vous comprenez de rien. sur le comte d'Anseval. Ah, oui, ah ben, le voilà, ce fameux comte. Il existe donc encore un comte d'Anseval. Bah oui, le petit-fils de celui qui a vendu le château au vieux Balthazar, la mine mademoiselle. Alors, elle l'a retrouvé, je sais pas où. Oh non, quand je pense que cette chipie a eu le toupet de se faire passer pour moi et de coucher dans mon lit. C'est vrai que vous l'avez vue en chemise? Elle est plus grosse que moi. Il est riche, ce comte d'Anseval? Lui, il n'a pas un sou. Il fréquente la maison? Non, il fréquente mademoiselle. Enfin, je veux dire... Ouais, vous me demandez s'il couche avec elle? Je crois pas qu'il en ait envie. Non, mais ils sont tous piqués. Mais dites donc, à l'heure qu'il est, j'ai plus de train pour Conflans, moi. Vous avez un lit, si? Ben, malheureusement, non, nous n'avons pas de chambre d'amis. Il y a un hôtel meublé dans quelques maisons avant le boulevard Voltaire. Je vais vous y retenir une chambre. J'ai encore un rendez-vous en ville. C'est vrai que les gens de la police doivent pas souvent dormir dans leur lit. C'est drôle. Vous ressemblez pas du tout à un policier. Ouais. J'en ai connu, hein, moi, un sergent de ville du quartier. Dites, si je retournais chez les Gendreau comme si de rien n'était, je pourrais chaque soir vous raconter ce qui s'est passé? Je vous verrai demain. Louise! J'ai tellement parlé, tellement réfléchi. Moi, je reprendrais bien un petit verre de kirsch. Mais je vous en prie, servez-vous. Vous buvez pas, vous, monsieur? Moi, je ne bois jamais d'alcool. Tiens. Mais il se peut que je rentre assez tard. Mais prends ton temps, Jules. Ah oui, la petite dame de la rue Chaptal, et vous parlez, si je m'en souviens, m'a refilé un frein de pourboire. Alors je l'ai chargé au numéro. Au numéro. C'est héros, je me rappelle jamais les chiffres. Et dans mon métier, pourtant. Tenez, voilà encore un franc de pourboire. Alors, vous l'avez conduite à la gare. À la gare? À quelle gare? Quelle gare? Ah, ben, c'est, d'abord, c'était pas à la gare. Ensuite, à l'hôtel. Hôtel, et au nom du monument. Ah, c'est drôle. Moi, je confonds toujours les noms de monuments. Et dans mon métier, pourtant, le Louvre! C'est hôtel du Louvre. C'est hôtel du Louvre. Allez. Allez, viens, cocotte. Au lit. Ah, ma Louisette, t'es toujours aussi fraîche, aussi enjouée à te réveiller qu'au milieu de l'après-midi. Mais toi, tu n'as pas un autre endroit pour te raser que d'accrocher ton miroir à la fenêtre de la salle à manger? Ben, c'est là que je vois le plus clair, moi. Alors je... Mais dis donc, Maigret, je crois que ton ami Justin fait déjà les 100 pas sur le trottoir. Ah, oui, en effet. Tu ne le fais pas monter? Non, c'est pas la peine, tu sais que je suis prêt, hein. Tu vas voir la Germaine maintenant? Tout de suite, oui. Mais elle sera dans son lit? Ben, probablement. Oh, je parie que tu auras de la peine à t'en dépêtrer. Je sais que vous êtes jolie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, patron? Vous avez vu Germaine? Eh bien, au moment de m'endormir, je me suis posé une question. Ou le coup de feu que vous avez perçu est une balle perdue, ou il est évident qu'on a tiré sur quelqu'un. Alors, je me suis demandé si on l'avait atteint. Votre intervention les a affolés. Ben oui, souvenez-vous, pendant que Louis, le maître d'hôtel, essayait de me repousser, une voix criée au premier étage, « Dépêchez-vous, Louis !» Oui, comme s'il y avait du vilain là-haut, n'est-ce pas? Et si on avait flanqué la demoiselle dans la chambre de bonne, c'est sans doute qu'elle était trop émue pour jouer son rôle. Mmh. Bien, alors, Germaine a passé la nuit dans cet hôtel meublé. Alors, attendez-moi à la terrasse de ce petit café, là-bas. J'ai toute ma journée à moi, patron. Patron. Je parie que le petit flûtiste a été le premier à vous appeler patron. Oui, j'en suis souvenu beaucoup plus tard, quand je suis venu vraiment le patron. Et ce matin-là, j'avais envie d'être partout à la fois, même à Anseval. J'avais presque la nostalgie du vieux Calvados. Enfin, pour tout dire, le métier que j'ai toujours eu envie de faire n'existe pas. Même pas la médecine? La mort de votre père vous a obligé d'interrompre vos études après la deuxième année. Oui, mais en réalité, j'ai jamais eu vraiment l'intention de devenir médecin, moi, de soigner des malades, non, non. Non, je pas tout jeune dans mon village, j'avais eu l'impression que pour des tas de gens n'étaient pas à leur place, prenaient un chemin qui n'était pas le leur, et uniquement parce qu'ils ne le savaient pas. Comme Germaine, peut-être. Mais s'il était resté dans son village, s'il s'était marié, s'il avait eu 10 enfants, ça ne se serait probablement pas remarqué. Peut-être n'aurait-il pas été tous du même père, quoi, c'est tout. Non, je pense, j'imaginais un type très intelligent, très compréhensif surtout, à la fois médecin et prêtre. Vous voyez, par exemple, je ne suis pas un homme qui comprendrait du premier coup d'œil le destin d'autrui. On serait venu le consulter comme on consulte un docteur. Il aurait été en quelque sorte un raccommodeur de destin. Parce qu'il serait très intelligent. Mais peut-être n'avait-il pas besoin d'être d'une intelligence exceptionnelle. Non, mais parce qu'il était capable de vivre la vie de tous les hommes, de se mettre dans la peau de tous les hommes. Faute de pouvoir terminer votre médecine, vous n'en êtes pas moins entré dans la police, enfin par hasard. Oui, au fond, était-ce tellement hasard? Et les policiers, justement, ne sont-ils pas parfois des raccommodeurs de destin? Nous devons sortir? Vous pouvez vous recoucher ou passer un vêtement. Votre femme n'est pas jalouse? Non. J'aimerais que vous me parliez du comte d'Anceval. Ou plutôt... Enfin, vous connaissez la maison. Pensez qu'il est 1h du matin, hein? 1h du matin. Une dispute éclate dans la chambre de Lise Gendreau. Non, mais suivez-moi attentivement. Qui, à votre avis, pourrait se trouver dans la chambre? Attendez, un détail que j'avais oublié. Louis était tout habillé avec son habit, son plastron blanc et une cravate noire. Bah, aucun doute, il y avait quelqu'un du dehors dans la maison. Mais ce quelqu'un, où l'aurait-il reçu? Dans les salons du rez-de-chaussée, je suppose? Sûrement pas. Oh, mais c'est pas comme ça que ça se passe, Richard Tal. Chacun a sa vie à soi. Les salons, c'est simplement pour les réceptions. Le reste du temps, chacun se terre dans son coin. Richard Gendreau aurait-il pu monter chez sa sœur? Sûrement. Il l'a fait souvent, surtout quand il était furieux. Portait-il un revolver? Non, un instant. Monsieur Richard possède 2 revolvers, mais ils sont dans son bureau. Mademoiselle en a un aussi, à crosse de nacre, dans le tiroir de sa table de nuit. Et chaque soir, elle le pose sur cette table. Elle est peureuse? Non, elle se méfie. Lui était-il arrivé de recevoir le comte dans sa chambre? Peut-être pas dans sa chambre exactement, mais dans le boudoir qui est à côté. À 1h du matin? Probablement. J'ai lu un roman sur Élisabeth d'Angleterre, là, une reine. C'était une femme froide qui pouvait pas faire l'amour. Eh ben, je serais pas étonnée que Mademoiselle Lise soit comme ça. C'est pas mon cas, heureusement. Est-ce que, en entendant du bruit au second étage, Monsieur Richard aurait pu monter avec son revolver? Pourquoi faire? Pour surprendre l'amant de sa sœur. Bon, ça lui soit bien égal. Pour ces gens-là, il n'y a que l'argent qui compte. Quel nom donnait-elle au comte? Bob, naturellement. Robert, d'Anceval. Quel âge a-t-il? Peut-être 25 ans. T'es un beau garçon, l'air un peu voyou. On dirait toujours qu'il se moque des gens. Est-ce que c'est un homme à avoir une arme dans sa poche? Sûrement. Ouais. Mais pourquoi êtes-vous aussi affirmative? Parce que c'est un type comme ça. Vous avez lu Fantômars? Monsieur Félicien, le père, était-il du côté de sa fille ou du côté de son fils? Du côté de personne. Ou plutôt, de mon côté, si vous désirez le savoir. Bien. Ben, excusez-moi, j'ai des rendez-vous importants. On ne peut pas me laisser toute seule. L'eau chaude. Merci. Dans un moment, Justin viendra vous tenir compagnie. Mais pourquoi êtes-vous monté sans lui? Vous n'osez pas? À cause de votre femme? Je vous rencontrerai sans doute dans la journée. Bon, rendez-vous utile alors avant de partir. Versez-moi le broc d'eau chaude dans la cuvette. Ma femme vient de venir. Hein? Tout de suite après votre départ de chez vous, il est arrivé un pneumatique. Ah bon, permettez. J'aimerais que vous passiez au bureau dans la matinée. Cordialement, Maxime Lebray. Dites-moi, Justin, vous avez vraiment le temps, là? Non, j'ai toute ma journée à moi. Envoyez-moi où vous voulez. La demoiselle est là-haut. Je ne sais pas quand je serai libre. Je crains, si on la lâche, qu'elle aille faire un tour au Chaptal et qu'elle parle. Compris. Je l'emmènerai à l'ambigu. Y a matin. Mon cher Maigret, ce que j'apprends au boulevard de Courcelles, ne regardant rien le commissaire de police. D'autre part, il m'est difficile de vous laisser piétiner faute d'une information. Hier, dans la soirée, Mademoiselle Gendroux a téléphoné à ma femme. Elle a téléphoné de l'hôtel du Louvre. Comment le savez-vous ? Elle s'y est fait conduire en fiacre hier dans l'après-midi. Ah ben dans ce cas, c'est tout. Je sais combien il est ardu d'apprendre ce qui se passe dans certaines maisons. Puis-je me permettre de vous demander si vous connaissez le comte d'Anceval ? Ah oui, et les Balthazar ont racheté le château d'Anceval, n'est-ce pas ? Enfin, je ne vois pas le rapport. Enfin, Mademoiselle Gendreau et le comte d'Anceval se rencontraient fréquemment. Vous en êtes sûr ? C'est assez curieux. Connaissez-vous le comte, monsieur le commissaire ? Pas personnellement. Et je préfère cela. Mais j'en ai entendu parler. Ce qui m'étonne, à moins qu'il se soit connu tout enfant ou qu'elle ne sache pas, mais Bob d'Anceval a très mal tourné. Il n'est plus reçu nulle part. Ne fait partie d'aucun cercle. Et je pense que la brigade mondaine a eu plusieurs fois l'occasion de s'occuper de lui. Peut-être suis-je un peu audacieux, monsieur le commissaire, mais à votre avis, mademoiselle Gendreau est-elle une personne normale ? Pardon ? Excusez-moi si j'ai mal posé la question, mais j'ai l'occasion à présent que Germaine, la femme de chambre, était absente la nuit, que vous savez, et que c'est bien Lise Gendreau que j'ai vue dans la chambre de Bonne. C'était donc passé dans sa chambre à elle un événement assez important pour rendre ce subterfuge nécessaire. Continuez. Alors, il est probable que Lise Gendreau n'était pas seule avec son frère dans son appartement cette nuit-là, et que, selon toute probabilité, la troisième personne était le comte d'Anceval. Alors, s'il y a un coup de feu tiré, s'il y avait réellement trois personnages dans la chambre, si quelqu'un avait été atteint... Vous avez recueilli d'autres renseignements ? Non, pas beaucoup, non. Et je croyais quand vous avez fait visiter toute la maison... Oui, mais sauf les chambres qui se trouvent au-dessus des écuries et du garage, et dont je ne soupçonnais pas l'existence, d'ailleurs. Dieu, mon Dieu. Que tout cela est ennuyeux. Voyez-vous, Maigret, de très gros intérêts sont en jeu. Depuis son enfance, Lise Gendreau sait qu'elle en est le centre. Toujours, elle s'est sentie l'héritière des cafés Balthazar. Plus encore, l'héritière spirituelle d'Hector Balthazar, le fondateur. C'est une pauvre fille. Monsieur le commissaire, j'aimerais que vous me permettiez de vous poser encore une question. Est-ce que Mademoiselle Gendreau a déjà eu l'intention de se marier ? S'occupe-t-elle des hommes ? Enfin, croyez-vous qu'elle soit ce qu'on appelle une femme frigide ? Vous avez de ces questions. On colporte beaucoup d'histoires à son sujet. Il est certain qu'elle a refusé les plus brillants partis. Parce qu'on lui prête des aventures. Je ne sais pas. Voyez-vous, mon jeune ami, notre métier exige infiniment de prudence et de tact. Je me demande même... Oh non, monsieur le commissaire, non. N'allez pas me retirer mon enquête. Croyez-moi, soyez extrêmement prudent. Dans mon cas, le fonctionnaire de la République... l'emporte sur l'homme du monde. Monsieur le commissaire, me permettez-vous de me renseigner auprès de la brigade mondaine à propos du comte d'Anceval ? Soit. À la condition de ne pas mentionner les Gendreau Balthazar. Je ne m'imaginais pas que vous étiez déjà si loin dans votre enquête. Évidemment, monsieur Lebray Courcelles, l'homme du monde, regrettait qu'on puisse ennuyer un autre homme du monde et surtout une amie intime de sa femme. Oui. Ah, il ne me tendit pas la main. J'étais redevenu un policier. Il était donc un peu moins de midi lorsque je franchis la voûte du Quai des Orfèvres, avec une certaine fierté, je dois reconnaître. Non pas porteur d'un quelconque message du commissariat, comme ça m'était déjà arrivé d'ailleurs, mais en quelque sorte pour mon compte personnel. Le long du grand couloir, les portes avec les noms des commissaires, la salle d'attente vitrée. Enfin, j'entrais dans un bureau dont les fenêtres donnaient sur la Seine. Ah, dame, on est toujours mieux installé à la mondaine que dans les commissariats de quartier. Et ça vivait, ça bourdonnait dans une atmosphère de camaraderie débraillée. Et un brigadier d'une quarantaine d'années me traitait avec bonhomie. Vois-tu, mon petit, tu peux toujours monter au sommier, mais je ne crois pas qu'il ait un dossier, car, à ma connaissance... il n'a jamais été condamné. Dis donc, Vanel, Oui? Il y a longtemps que tu n'as plus vu le comte. Bob? Oui. Oh ben, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était aux courses. Et il était avec Dédé. Hein, Dédé, c'est un type qui tient un garage, rue des Acacias. Un garage où il n'y a jamais qu'une ou deux autos. Tu comprends, petit? Cocaïne? Il y a sûrement de ça. Sans doute aussi d'autres petites combines à côté, sans compter les femmes. Le comte, comme on l'appelle, est dans le bain jusqu'au cou. Vous avez sa dernière adresse? Tu ne penses pas que ton commissaire est en train de marcher sur nos plates-bandes? Attention, petit. Faudrait pas effaroucher Bob. Ce n'est pas qu'il nous intéresse personnellement, mais un garçon comme lui qui joue les affranchis, ça nous mène souvent loin. C'est sérieux, ton histoire? J'avais vraiment besoin de le retrouver. Hôtel du Centre, rue Bray, juste derrière l'étoile. Il y était encore il y a 4 jours, je l'ai vu au bistrot du coin de la rue Bray avec sa poule. Je peux savoir son nom? Lucille. C'est facile de la reconnaître, elle a une cicatrice sur la joue gauche. Maigret! Le déjeuner est servi! Une blanquette de veau, ça te va? Qu'est-ce que c'est drôle! Justin Minard et Germaine étaient à table au restaurant à l'angle des deux boulevards, trop préoccupés d'eux-mêmes, ils m'ont pas aperçu. Ils mangeaient de la blanquette, justement. Oh, je parie qu'elle l'a eu. Et moi, commissaire, je parie qu'elle n'a pas pensé un instant que la Germaine aurait pu avoir son mari aussi. Ah, brave Madame Maigret. Après le déjeuner, pendant des heures, j'allais arpenter un secteur étroit entre l'Étoile, la Place des Ternes et la Porte Maillot à la recherche du comte, de Dédé et d'une cicatrice. La rue Bray, dès qu'on tournait les coins, on se heurtait à quelques femmes perchées sur les hauts talons de leurs bottines, corsetées serrées. Et leur port d'attache était justement l'hôtel où habitait le comte. Alors pourquoi ai-je noté qu'il y avait une blanchisserie en face avec des gamines fraîches qui repassaient? Vraisemblablement à cause du contraste. Le comte est là-haut? Allez-y voir. Pouvez-vous me dire le numéro de sa chambre? On hésitait, par manque d'expérience. À chaque fois, j'allais éveiller la méfiance. Le 32, c'est pour Lucille? Pour le comte. Il n'est pas là, il n'y a personne. Vous savez pas, je pourrais le rencontrer. Et Lucille? Il n'est pas au coq? Au coin de l'avenue de Wagram. Garçon, dites-moi, Lucille n'est pas ici? Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Mais vous croyez qu'elle va venir? Vous n'avez pas vu le comte non plus? Oh, il y a bien 3 jours que je l'ai pas servi. Rue des Acacias, le garage était toujours fermé. Alors cette fois-ci, je m'adressais à la cordonnerie qui jouxtait le garage. Alors le cordonnier, une chic dans la joue, eut l'air lui aussi de trouver mes questions oiseuses. Je crois que j'ai vu sortir l'auto ce matin. Une autre grise, une de Dion Bouton. Une auto, c'est une auto. C'est pas, je pourrais trouver le garagiste. Oh, moi, je m'occupe des souliers. Je continuais la chasse, rue Bray, au coq, place des Ternes, me retournant sur toutes les femmes, les dévisageant. Dis donc, mon chéri, à force de nous reluquer, tu vas peut-être finir par te décider. Je cherche Lucille. Oui, celle qui a une cicatrice. Peut-être bien qu'elle est allée à la campagne. Ah bon? Mais elle va souvent à la campagne? Ça lui arrive comme à toutes les femmes, quoi. Alors autant aller se balader. Mais commissaire, pourquoi vous êtes-vous obstiné? Par instinct, plutôt que par raison. Et 3 ou 4 fois, j'ai failli renoncer. J'ai même descendu quelques marches de la bouche du métro. Je sais pas, je me reprochais parfois de perdre mon temps ici, alors qu'il se passait peut-être quelque chose ailleurs. Je pénétrais dans tous les bars. Et alors, l'idée m'était venue d'imiter le flûtiste et de commander du Vichy frais. Oh. Ça m'écœurait, alors vers 5 heures de l'après-midi, je me suis remis à la bière. Alors, d'un bout à l'autre du quartier, je me heurtais à la même franc-maçonnerie. Ah, ils l'ont pris, ils vous avez donné rendez-vous? Lucille? Ah oui, elle a une cicatrice sur la joue. Il y a une paye que je n'ai pas vue dans le secteur. Dédé, connais pas. Le comte? Quel comte? Un peu après 7 heures, alors que je marchais toujours en dévisageant les passantes, mon regard, par hasard, dévia dans la calme rue de Tilsit. Des fiacres, une voiture de maître, Et juste devant, la de Durbouton. Tout juste. Il n'y avait personne dedans. Un sergent de ville battait la semelle au coin de la rue. Alors, j'appartiens au commissariat du quartier Saint-Georges. Vous ne pourriez pas me rendre un service? Vous avez votre carte? Vous aussi. Voilà. Merci. Dites-moi, si le propriétaire de cette auto revenait et essayait de partir, vous pouvez me le retenir sous un prétexte quelconque? Tous les restaurants se remplissaient. Dédé devait probablement dîner quelque part, mais où? Deux fois, je suis venu m'assurer que l'auto était toujours en place. Mais par précaution, il fallait crever un des pneus d'un coup de canif. Ah, bah, c'est pas l'envie qui me manquait, figurez-vous. Alors, je sais pas, la présence du sergent de ville, beaucoup plus ancien que moi dans le métier, m'en empêcha. Enfin, à 8h du soir, alors que les becs de gaz dessinaient en les hurlant d'un perlé lumineux la perspective des avenues autour de l'Arc de Triomphe, je pris contact avec la réalité que je cherchais. Alors voilà que je poussais la porte d'un petit restaurant italien. Je posais ma sempiternelle question. Vous n'avez pas vu le comte? Ah, bon, ben... non, ni hier, ni aujourd'hui. Et Dédé? Qu'est-ce que c'est, Angelino? C'est les messieurs là qui demandent le comte ou Dédé. La salle était petite, avec des banquettes de velours rouge. Au fond, le cloison vitré séparait le restaurant d'une sorte de cabinet particulier et un homme complet à carreaux se tenait dans l'entrée. Son teint était coloré, ses cheveux d'un blond clair séparés par une raie. Il s'avança, la bouche pleine, sa serviette à la main, tranquillement, et prenant le temps de me dévisager. Eh bien, Dédé, c'est moi. Voilà, je suis arrivé hier de Lyon. J'habite Lyon. Ah, c'est intéressant, ça. Je cherche un de mes amis, un camarade de collège. Ah, si c'est un camarade de collège, c'est pas moi. Le comte d'Anceval, Bob. Oh, ben voyez-vous ça. Alors, comme je ne l'ai pas trouvé à son hôtel, alors je... Ah, parce que quand vous étiez tous les deux au collège, il vous a donné l'adresse de son hôtel. Non, non, mais hein? j'ai eu cette adresse par un ami. Eh ben, puisque vous êtes un ami de Bob, vous allez trinquer avec nous, hein? Oh ben, je mais pas. Si, nous avons justement ce soir une petite fête de famille là derrière la cloison. Venez, venez, venez. On va arroser ça. Fais attention à la tête, là. Petite chaise. Voilà. Eh ben là, le nez cassé, Albert, un copain. Boxeur de son état. Lucille, la femme de Bob. Eh oui, il faut pas faire attention parce que elle vient de perdre son papa. Alors, elle mélange un peu de larmes au champagne. Elle a reçu le télégramme cet après-midi. Montre le télégramme, Lucille. Le télégramme? Ben oui, le télégramme. Allez, montre, monsieur. Oh, j'ai dû le laisser dans ma chambre. Ouais. Angelino! Oui, patron! Une flûte et un couvert. Une flûte et un couvert. Alors, ainsi vous êtes venu de Lyon pour retrouver votre vieux camarade Bob. Je suis pas venu exprès. Il y a si longtemps que je l'ai perdu de vue. Longtemps? Hein? Longtemps? Oui. Eh ben, à votre santé. Voilà. Les amis de nos amis sont des amis. Allez, à votre santé. Merci. Eh ben, bois, Lucille. Dites donc, vous aimez les raviolis? Ah, parce que le patron est en train de nous en préparer des spéciaux. Au fait, comment vous appelle-t-on? Jules. Jules? Ah, j'aime ça, Jules. Jules, hein, ça sonne bien, Jules. Alors, vieux Jules, qu'est-ce qu'on raconte? Alors, vous repartez bientôt pour Bordeaux? Lyon, j'ai dit Lyon. Ah, Lyon? Oui. Ah, c'est Lyon. Belle ville, Lyon, hein? Oui, oui, oui. Je suis sûr que Bob serait désolé de vous rater. Les amis de collège sont des gens bien. Qu'est-ce que tu crois que monsieur fait dans la vie, Lucille? Je sais pas. Ah, allons, cherche. Tu vois pas? Bon, eh ben moi, je parierais qu'il élève des poulets. Je suis dans les assurances. Ah, c'est curieux comment on se retrouve. On arrive à Paris comme ça, on se souvient vaguement d'un vieux camarade de collège, et on tombe pile sur quelqu'un qui vous donne son adresse. Hein? Mais... Surtout qu'il n'y a pas une âme dans le quartier qui connaisse le nom d'Anceval. Ben allons, chiale plus, Lucille. Parce que monsieur va croire que tu ne sais pas te tenir à table. Et puis, Albert, je le fais rigoler. Lucille, ne reluque pas ta montre. T'auras ton train, n'aie pas peur. Eh oui, Jules, je la mets tout à l'heure dans le tortillard, histoire qu'elle arrive à temps pour les funérailles. Ah oui, ça, j'aurais pas dû dire ça, oui. Hey, Jules, regardez comment vont les choses. Aujourd'hui, son paternel casse sa pipe, et puis moi, je touche le gagnant de Longchamp. Ah, je suis plein aux as. Alors, j'offre une petite bombe, et voilà que Bob est pas là pour trinquer. Mais il est en voyage? Ah oui, comme tu dis, Jules, oui, c'est ça, il est en voyage. Mais on verra quand même tout à l'heure à te le montrer. Mais tais-toi. Alors, une bouteille de même, Angelino. Et patron. Angelino. Et tu dis bien au patron de ne pas rater le soufflet, hein. Allez, à ta santé, mon vieux Jules. Voilà. Jules, bah, si tu vides pas ton verre, je peux pas le remplir. Allez, bois. Il doit être fortiche, ton pote, hein. Non seulement il t'a affranchi sur ce vieux Bob, mais il t'a envoyé au garage. Mais quel garage? Ah, c'est qu'on est malin à Lyon, hein. Allez, à ta santé quand même. Jules, à la russe. À la russe. Eh ben allons. Eh oh, t'aimes pas ça? J'ai un coup de téléphone à donner. Ah, attends. Téléphoner à qui? Bah, à ma femme. À ta femme, parce que ta femme est avec toi. Ah, bourgeois, hein. Hé, hey, Lucille, t'entends? Jules est un homme rangé. Rien pour toi, non, Lucille, non. Pas la peine de lui faire du pied sous la table. Inutile de te déranger. Angelino va téléphoner à ta place. Hein, à quel hôtel elle est descendue, ta rombière? Oh, ben, c'est pas urgent. Ah bon? C'est pas urgent? Non. T'es sûr? Elle va pas s'inquiéter? Non. Tu vois pas qu'elle s'imagine, qu'elle mette la police à tes trousses? Hein? Non? Angelino! Une bouteille! Attends, non. Plutôt non. Du cognac, parce que c'est l'heure. Dans des verres à dégustation. Je suis sûr que notre ami Jules adore le cognac. Non, mais je résiste mieux au calvados. Ah, ça, on peut dire que vous vous étiez entraîné chez Paumel. Et vous ne perdiez pas votre sens de l'humour. Non. Ni surtout mon sang-froid. Entre Dédé et Albert, et avec Angelino sur mon chemin, je n'avais aucune chance d'atteindre la porte. Et alors la pensée de ma chère Louise, qui devait m'attendre en cousant, me soutenait. C'était pas en l'air que Dédé avait parlé de train, il s'en allait vraiment. Or, chaque demi-heure qui passait supprimait un certain nombre de possibilités. Et pas si longtemps que je faisais encore la police des gares. Je connaissais par cœur les horaires des principaux trains. L'addition, Angelino! Non, Jules. Non. Non, ça, jamais de la vie. Non. Je t'ai dit qu'il s'agissait d'une petite fête de famille. Angelino, tiens, voilà 1000 balles. Non, tu gardes la monnaie. Voilà. Oh, grazie. Allez, 11h30. Ah, mes enfants, on les met. On va conduire Lucille à la gare et puis on ira retrouver Bob. Ça te plaît, Jules? Tu tiens debout? Hein? Bon, oh là là. Bon, eh ben, notre ami Albert te donnera un coup de main. Si. Albert, tiens-lui le bras. Moi, je m'occupe de la copine. Patron, ferme tes volets. Tu n'auras plus de clients ce soir. Voilà, soutiens-le. Faut pas qu'il s'abîme le portrait. Des fois que son ami Bob le reconnaîtrait pas. Par ici, messieurs, dames. La rue de Tilsit est à 2 pas. En voiture pour la gare du Nord. À ton avis, on rejoint Bob à la gare du Nord? On rejoint surtout le train pour Bruxelles. Ah. À cette heure-ci, c'est le dernier train pour l'étranger et la frontière la plus proche. Si vous faites un crochet par le canal Saint-Martin, je vous préviens qu'en cette saison, l'eau est un peu fraîche pour un bain de minuit. Petit futé, là. Allez, monte. Albert, installe notre invité dans le carrosse. Lucille, passe-moi la manivelle. Là, à tes pieds. C'est le moment. Oh, mon Dieu, faites... Allez, tant pis, le tout pour le tout. Si vous croyez que vous allez me saigner comme un mouton. Hé là, doucement, Jules, doucement. Alors, Jules, qu'est-ce qui se passe? On voulait plaquer ses copains? Merde du monde. Hé, hey, assomme-le, nom de Dieu, assomme-le. Qu'on ait le temps de rappliquer à la gare. Des impêches. Arrêtez! Encore des impêches. si ça continue, bientôt on ne pourra plus sortir la nuit. Bah alors, ami, ça va mieux, hein? Dites, ami, ça va mieux? Il saigne. C'est crevant, il est encore plus chaud que nous. Faudrait sûrement aller chercher les flics. Quelle heure est-il? Minuit moins 5. Oh, mais faut que je téléphone. Non, mais oui, Aaron, allez chercher un téléphone. Oh, des hirondelles. Oh, bah, ils tombent pile, les gardiens. Oh, oh, oh. Allez, allez, circulez. Restez pas là. Ah, voilà le tapage. Vous n'auriez pas un téléphone, le monsieur par terre? Il veut absolument téléphoner. Voilà, police. Regardez dans mon portefeuille. Voilà. Le quartier Saint-Georges. Faut téléphoner tout de suite à la gare du Nord, le train de Bruxelles. Dans quelques minutes, c'est une affaire importante. Oh. Alors, faut faire vite, hein. Alors, il y a une femme en noir, avec une cicatrice sur la joue, et il y a un des hommes qui porte un complet à carreaux. Et l'autre a le crassé. On s'en occupe tout de suite. Le poste de police est à côté rue de l'Étoile. Vas-y, Germain, et envoie l'ambulance. Oh, c'est un flic. Oh, le voilà dans les pommes. Je vous dis qu'il est peint comme une brique. Ah oui, oui. Et comment s'est-elle terminée, votre mésaventure? À l'hôpital Beaujon. Non, faut pas dramatiser. Je souffrais également d'un bon coup de soulographie. C'était drôle parce que je m'étais pas senti ivre de toute la soirée, et alors sorti de ce guépier, tout d'un coup, les nerfs m'ont lâché. Oui, cette crapule d'Albert avait dû se servir d'un coup de poing américain. Sans les noctambules, il m'aurait sans doute achevé, et si je n'avais pas eu l'inspiration de me baisser, j'aurais pas quitté l'hôpital 2 heures plus tard, nanti d'une espèce de turban ridicule qui m'alourdissait la tête. Ah bah, heureusement, ce n'était pas bien grave. Non. Non, mais ceux de l'hôpital firent surtout connaissance avec l'autorité de Madame Maigret. Oh. Alors, une fois soignée et pansée, la même ambulance me ramena boulevard Richard Lenoir. Et vers midi, devinez quel fut mon premier visiteur? Le petit flûtiste Justin Minard, naturellement. Perdu. Oh. Non, ce fut mon commissaire. Oh. Ouais, tout frais, en gris perle des pieds à la tête, une fleur à la boutonnière. Ah, mon cher Maigret, je suis accouru dès que j'ai eu connaissance au bureau du rapport. Un rapport? Comment? On a fait un rapport sur moi? Mais n'en soyez pas humilié. Il est tout à votre honneur. Non. Ne bougez pas. Cigarette? Vous m'excusez, madame, si je... Oh, ne vous gênez pas, monsieur le commissaire. Mon mari fume la pipe du matin au soir, même dans son lit. Mais donne-moi une, tiens. Oh, tu crois? Pourquoi? Le docteur m'a interdit de fumer? Il n'en a pas parlé. Bon, ben alors... Je t'avais déjà préparé celle-ci d'avance. Merci. Je vous laisse, messieurs. Mon cher Maigret, il vous faudra prendre quelques jours de repos. Jamais de la vie. Vous pouvez me chipper mon enquête, mais je ne me laisserai pas faire. Non, soyez calme. Je suis parfaitement calme. Et je sais ce que je dis. Vous m'aviez confié cette enquête avec la conviction que je ne trouverais rien. Oh, faut vous extrapoler, Maigret. En ce qui concerne votre enquête, on fera tout ce que vous jugerez nécessaire. J'aurais dû commencer par là. La police de la gare du Nord a pu arrêter le trio juste à temps. On les a conduits au dépôt en attendant. Mais en attendant quoi? Eh bien, on les a simplement inculpés d'attentat à main armée sur la voie publique. On pourrait sans doute les inculper de vol. Le nommé Dédé avait 49 billets de mille dans ses poches. Oui, mais il ne les a pas volés, on les lui a donnés pour se taire. Pour se taire? Ah, ne me dites pas que ces gens-là ont un rapport avec la rue Chaptal. Justement, le comte d'Anceval est mort. Vous en êtes sûr? Non, je n'ai pas la preuve, mais le chagrin de Lucille ne trompe pas. Oui, la femme à la cicatrice est la maîtresse du comte, appelée plus couramment Bob dans le milieu. Mort comment? C'est lui qui a reçu la balle de revolver. Rue Chaptal? Oui. Ligendrois a appelé au secours par la fenêtre, puis on l'a tiré en arrière, et enfin le coup de feu a éclaté. Dédé se tenait dans la rue au volant de la de Dion-Bouton. Il servait en quelque sorte de chauffeur au comte. Bien entendu, Dédé ne devait pas accompagner le comte lors de ses visites, enfin disons, ses visites prolongées. Donc celle de ce soir-là devait être brève, avec un but déterminé. Alors lequel? Là est sans doute le mobile. Maintenant, tout dépend. Hein. Lise était-elle déjà couchée ou non, ça? Car si elle était déjà couchée, Elle avait pour habitude de sortir son revolver à crosse de nacre du tiroir de la table de nuit. Ah ben, en somme, vous accusez Richard Gendreau du meurtre. Non, pas nécessairement lui. Non, c'est peut-être sa sœur qui a tiré. Enfin, il est possible aussi que ce soit Louis. Ah, cette dernière hypothèse ne vous paraît-elle pas plus logique? Pour ma part, voilà comment je verrais volontiers les choses. Volontiers, savoureux. Volontiers. Oui. Le comte est une tête brûlée. Enfin, il a dégringolé jusqu'à une Lucille. Jusqu'à un Dédé. Son père, bien ruiné, gardait une certaine dignité. Je ne sais pas au juste ce que Bob venait faire dans la maison. Mais il était attendu ce soir-là. Et comment le savez-vous? Enfin, croyez-vous qu'autrement, dans ce monde, on aurait laissé monter Bob dans la chambre à coucher d'une jeune fille? Non, voyez-vous, monsieur le commissaire, mademoiselle Gendreau voulait tout simplement ajouter un titre à sa fortune. C'est fort bien d'avoir acquis le château d'Anseval. Mais peut-être s'y sentait-elle un peu comme une intruse. Je ne veux pas discuter cette question. Mais ça me paraît une supposition fort audacieuse. Mais c'est pas l'opinion de Germaine, la femme de chambre. Comment vous avez interrogé la femme de chambre? Malgré mes recommandations? Enfin, nous ne savons rien de ce qui s'est passé dans la chambre, sinon qu'il y a eu un coup de feu. Le frère de la jeune fille est dans la maison ainsi que le maître d'hôtel. Elle appelle au secours. L'un d'eux a entendu, monte précipitamment, et sous le coup de l'indignation, saisit le revolver qui, vous le dites vous-même, se trouve sur la table de nuit. Et qu'auriez-vous fait à la place de cet homme-là devant un homme mort ou grièvement blessé? D'abord, j'aurais appelé un médecin. Eh bien, monsieur le commissaire, voilà ce qu'ils n'ont pas fait, eux, justement. Par contre, ils ont transporté le corps ou le blessé probablement dans une de ces chambres qui sont au-dessus de l'écurie, puisque ce sont les seuls qu'on ne m'ait pas fait visiter. Et si Bob était parti par ses propres moyens? À pied. Et puisque l'avion bouton a démarré et disparu à la suite du coup de feu. Ouais. Alors, le lendemain matin, elle a passé à deux reprises devant la maison, je l'ai vu, au ralenti, comme si le chauffeur espérait des nouvelles. Et le dit chauffeur, Dédé, n'aurait pas eu hier 50 000 francs en poche et n'aurait surtout pas décidé de gagner la Belgique en compagnie de Lucille. Peut-être avez-vous raison. Donc, nos gens, rue Chaptal, ont une idée presque géniale. Le meilleur moyen de réduire à néant le témoignage du flûtiste n'était-il pas d'établir que la chambre que celui-ci désignait, c'est-à-dire celle de Lise, était inoccupée? Germaine, la femme de chambre, se trouvait dans l'Oise. Alors on installa donc Lise dans la chambre vide et on me la présenta comme étant Germaine. Est-ce qu'un pauvre type du commissariat verrait une différence? Il suffirait de prétendre que Lise était dans son château de la Nièvre. Si Lise n'avait pas pris le thé avec votre femme, rien vu, rien entendu, un coup de feu, ou ça, demain il fera grand jour. Et qui osera accuser les Gendreau Balthazar? Vous êtes dur, Maigret, hein? Bon. Eh bien, je vais de ce pas conférer avec le chef de la sûreté. Monsieur le commissaire, c'est ma première enquête. Si vous mettez dès maintenant la sûreté au courant, c'est la brigade du chef qui terminera l'affaire. Avant tout, si Bob a été tué, il s'agit de retrouver le corps. Mais du moment que c'est un mort, il peut attendre, n'est-ce pas? Moi, je peux sortir, finir l'enquête tout seul. Écoutez, donnez-moi seulement l'autorisation d'aller interroger Dédé et Lucille. C'est le musicien, je l'ai fait entrer dans la cuisine. Oui, d'accord. Écoutez, monsieur le commissaire, demain, si à cette heure-ci je n'ai pas réussi, vous pourrez remettre l'affaire à la sûreté. Ouais. Ah oui. Je ne peux décemment pas vous refuser ce que vous me demandez. Merci, monsieur le commissaire. Je m'en vais. Allez, au revoir. Ben, entrez, mon vieux Justin. Dites donc, voilà un air piteux. Mais, vous êtes blessé? Non, à peine. Elle a filé. Eh oui, cette nuit, Germaine avait insisté pour m'accompagner à la brasserie Clichy. Ouais. Comme je n'avais pas mis les pieds chez moi de la journée, ma femme s'est pointée à la brasserie. Alors, elles se sont crêpées le chignon. L'orchestre s'est mis à jouer pour atténuer le scandale. Comme pour les naufrages, vous savez. On nous a mis à la porte, moi et mon harem. Et une fois à la maison, ma femme a enfermé mes souliers pour que je puisse pas sortir et j'ai emprunté les chaussures du concierge. Germaine est venue chercher sa valise à l'hôtel. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous viviez votre première enquête, mais Justin vivait sans doute l'unique aventure de son existence. Non, justement, pour ne pas lui causer de chagrin, maintenant que je n'avais pas besoin de lui, je l'envoyais rue Chaptal en planque au vieux Calvados. En franchissant la voûte sombre du quai de l'horloge, j'étais encore plein de confiance en moi. Ah, vous êtes le secrétaire de Lebray. Oui. Vous devez interroger un nommé Dédé, la fille Lucille. C'est ça, ouais. Ils viennent de redescendre de l'anthropométrie. Entrez, je vous en prie, je vais vous laisser mon bureau. Ah, alors Jules, content de vous voir. Ah si, demandez à ces messieurs. Ma première phrase a été pour réclamer de vos nouvelles. Vous saviez qui j'étais, n'est-ce pas? Parbleu. Moi je savais que vous le saviez. Alors vous vous doutiez qu'on allait vous casser la gueule? Ah, hein? Vous avez de l'estomac. Mais je le disais à Lucille, quel dommage que Jules soit une bourrique. Oh, mais je sais beaucoup de choses. Et je crois que nous allons nous entendre. Ça m'étonnerait. Le comte est mort. Vous croyez? La nuit du 15 au 16 avril, tu as conduit Bob avec ta voiture dans la rue Chaptal et tu l'as attendu sans arrêter le moteur. Je me souviens pas. Une fenêtre s'est ouverte, une femme a crié et il y a eu un coup de feu. Alors tu es parti vers la rue Fontaine. Vous n'avez pas une cigarette? Ah ben non, je fume que la pipe. Alors. Tu as compris qu'il y avait du vilain et le lendemain, je t'ai vu repasser en voiture rue Chaptal. Vous m'intéressez? Devinant ce qui s'était passé, tu allais trouver Richard Gendreau, pas chez lui. À son bureau. Qu'est-ce que je lui ai dit à ce monsieur-là? Eh bien, que moyennant une certaine somme, enfin disons 50 000 francs, tu te tairais. Car sachant ce que Bob est allé faire rue Chaptal, tu sais pourquoi on l'a tué. C'est tout? Ben, si tu parles, il est probable qu'on oubliera le chantage commis à l'égard de Richard Gendreau. Et vous croyez qu'il portera plainte? On oubliera aussi la tentative de meurtre dont j'ai été la victime. Oui. Écoute, Jules. Use pas ta salive. T'es un bon type, mais ici, on n'est pas à égalité. T'es un enfant de cœur, ces trucs-là, ça nous dépasse. Alors laisse tomber, Jules. Je ne sais rien, je n'ai rien vu, rien entendu. Et les 50 000 balles, je répéterai aussi longtemps qu'il le faudra que je les ai gagnées à Longchamp. Quant à sortir d'ici, on verra, pas vrai? Alors maintenant, si tu veux être gentil, n'embête pas trop la pauvre Lucille, hein? On peut faire le tapin et aimer son homme. Et puis peut-être qu'un jour, je te revendrai ça. Voilà, c'est tout. T'auras plus un mot. Nous avons terminé, brigadier. S'il vous plaît. Oui, c'est bon. Alors, asseyez-vous. Je préfère rester debout. Vous savez dans quelles circonstances Bob est mort? Je sais rien. Il a été assassiné dans une maison de la rue Chaptal. Vous croyez? Il était l'amant d'une autre fille. Je suis pas jalouse. Pourquoi ne voulez-vous pas que Bob soit vengé? Vous préférez quelques billets de banque à la condamnation de son meurtrier? Mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Alors parlez. Je sais rien. Et si je vous aidais? Je dirais rien. Qui avez-vous vu depuis que vous êtes ici? Oh, voilà. Vous compreniez enfin. Oui. Quand je me retrouvais sur le quai, au moment où tombait une ondée, moi, je me suis senti si découragé que, pour un peu, j'aurais porté ma démission au commissaire Lebret. Oui, on m'avait roulé, quoi. Le bras dans ma chambre m'avait tiré les verres du nez et il s'était précipité au quai des Orfèvres. Alors j'ai pris une des pilules que m'avait conseillé le médecin afin de me remonter. On me salissait tout. On me salissait la police, ma police. Est-ce que le bras tutoyait le grand patron, Xavier Guichard? C'est ici que ça devenait angoissant, car l'ami de mon père était de notre race. Il n'habitait pas à la plaine Monceau, non? Il était incapable d'un compromis. Alors, je montais dans un autobus, puis je restais sur la plateforme, refroidi, à respirer l'odeur de chien mouillé qui émanait de mon par-dessus. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Sinon, aller rejoindre Justin Minard, rue Chaptal. Le seul atout de votre jeu, le flûtiste. Oui. Alors je poussais violemment la porte du vieux Calvados. Justin se tenait debout, là, devant le comptoir, un verre à la main. Il avait pris ma succession de monde tête à tête avec Paumel. Ni Calva, ni Vichy Fraise. Une bière. Pensez bien que vous reviendriez. Ce qui me surprend, c'est que vous ne soyez pas avec ces messieurs du quai. Il y a beaucoup de monde dans la maison. Ils sont arrivés il y a environ une demi-heure, en fiacre. Ah, mon pauvre Justin. C'est un peu comme si je t'avais roulé, moi aussi. Ah, ils ont raison, mais je ne suis qu'un enfant de cœur. Germaine est dans la maison. Je l'ai entrevue à une fenêtre. Ben, parbleu, elle aussi, c'est naturel. Elle n'est peut-être pas très intelligente, mais elle a du flair. Elle a compris qu'elle s'était mise du mauvais côté avec nous deux. Bon, ben, j'y vais. La vie chiffrée, c'est pour moi, c'est bon. J'appartiens au commissariat du quartier. Et voici ma carte. Ah oui, mais il faut attendre que ces messieurs aient fini. Hein. Mais c'est moi qui ai fait l'enquête. C'est possible, mais moi j'ai une consigne, mon vieux. Il y a encore un peu des affaires. Alors, si jamais je fais partie de la société, je jure de jamais manifester de dédain à l'égard des pauvres types des commissariats. Mademoiselle Gendreau. Entrez, mademoiselle. Elle ne m'a même pas regardé. Oh, ces gens-là ne voient personne. J'avais des ordres. Hein, et... Les deux types qui bêchent là-bas dans le jardin. Mmh. Ah oui ! Ah oui, le cadavre. Dites-moi, vous avez vu le maître d'hôtel ? Bah, il est en ce moment avec ces messieurs. Vous connaissez l'affaire ? Bah, un peu, oui. Pas que c'est un sale type. Qui ? Hein. Celui qui s'est fait descendre par le maître d'hôtel. Oh ! Ah, ça alors ! Non, mais vous êtes sûr ? De quoi ? Bah, que Louis est... Oh, vous savez, moi, je sais même pas qui est Louis, hein. Non, j'ai seulement entendu les bruits de conversation. Ce que je sais, c'est qu'il faut éviter des rassemblements. Ah bah tiens, les voilà, ils ont fini de bêcher. Compte ou pas compte, il est pas beau à voir. Un petit remontant ne fera pas de mal. Ah oui, t'as raison. Mais je ne me trompe pas, là. C'est bien le docteur Paul ? Oui, le médecin légiste. Drôle de métier, hein. Par ici, docteur. Hein ? Dites-moi, en somme, Louis, le maître d'hôtel, s'accuse ? À ce que j'ai cru comprendre, oui. En tout cas, il a une sale gueule. Moi, j'y comprends plus rien du tout. Ah, parce que vous avez la prétention de comprendre. Oui, je pensais bien rentrer chez vous. Vous verrez que ça fera juste 3 lignes dans les journaux. Pourquoi ? Parce que... Maigret. Ah. Il n'y a pas de quoi faire monter ta température, c'est même pas en première page. Ça. Tiens, là. Ah oui. Un cambrioleur s'est introduit au cours de la nuit du 15 au 16 courant dans l'hôtel particulier de la famille Gendreau-Balthazar, rue Chaptal. Le maître d'hôtel, Louis Viaud, 56 ans, né à Anseval, dans la Nièvre, l'a abattu d'une balle en pleine poitrine. Madame Maigret, hein, ce matin du 4e jour, a séjour aux malades. Tu peux ranger thermomètre, bouillon, tisane et lait de poule par-dessus le marché. Fais-moi plutôt un beau café. Même un Balthazar. Merci, Jules Maigret, pour l'infirmière. Ah, tu espérais bien être vraiment malade, hein, pour les faire enrager. Oh, n'exagère pas. Ta bronchite n'était qu'un rhume de cerveau. Tu vas au bureau ? Mais j'ai envie de retrouver l'odeur du commissariat, mon pupitre noir, les clients miteux sur leur banc. Mais qu'est-ce que je dis à Justin ? Il va pas tarder. Ben, s'il vient me prendre à 1 heure, nous déjeunerons ensemble. Il est brave, ce garçon. Oui, hier, il m'a fait mon marché. Il s'y connaît. Oh, à propos, tu as déçu la concierge. Moi, pourquoi ? Mais elle te savait fonctionnaire. Monsieur Lebray, ayant fait prendre de tes nouvelles chaque matin, l'agent en uniforme a forcément révélé que tu appartenais à la police. Dis donc, Louise, est-ce que j'ai eu tort ? J'ai pas terminé mon enquête, c'est vrai, mais enfin, je sais pas qui a tiré sur le compte, et je ne sais pas non plus pourquoi. Mais tu sais que j'y serais arrivé. Quand ces messieurs du parquet sont sortis de la rue Chaptal, personne ne m'a prêté attention. Ah si, Louis. Louis m'a lancé un regard goguenard. Mais à quoi bon, Maigret, te préoccuper encore de ces gens-là ? Mais il y a quand même eu un mort, Bob Danseval. Que personne ne pleure, d'ailleurs. Sinon, une fille qui fait la retape à 20 grammes. Ah bah, vous êtes là, Maigret. Eh bien, venez donc voir. Voilà. Je voulais vous proposer un congé de convalescence. Encore? Oui, assis-vous. Dites-moi, mon petit, à quelle date passez-vous votre examen? Ben, la semaine prochaine. Guichard m'a dit que votre ambition était d'entrer au Quai des Orfèvres. Oui, c'est exact. Et ça ne l'est plus? Ben, je ne sais plus. Je crois que vous serez davantage à votre place là-bas. Et bien que vous me soyez précieux, hein, j'interviendrai dans ce sens. Savez-vous que vous n'étiez pas loin de la vérité? Juste le jour où je suis allé chez vous, Louis a téléphoné à la police. De son propre chef? Il a dû comprendre que vous aboutiriez à la vérité. Il s'est adressé directement à la préfecture. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il se soit accusé. Oui. Mais j'ai lu les journaux. Oui, la vérité a été un peu arrangée. Louis est assez avare de détails. Attiré par des cris, quand il est entré dans la chambre, Bob et Richard Gendreau se colletaient. Et il a cru voir un couteau briller dans la main du comte. On a retrouvé le couteau. Je ne sais pas. C'est le commissaire Barodet qui a mené l'enquête. Enfin, toujours est-il qu'il y avait un revolver sur la table de nuit et que Louis, craignant pour la vie de son maître, a tiré. Maintenant, mon jeune ami, dites-moi, à qui aurait profité le scandale? L'honneur de Mademoiselle Gendreau était en jeu. De toute façon, nous sommes devant un cas de légitime défense. Nous avons les aveux du maître d'hôtel. Pensez-y, Maigret. Louis a été laissé en liberté et bénéficiera vraisemblablement d'un non-lieu. Oui, son seul tort est de s'être affolé, d'avoir enterré le corps dans le jardin au lieu de tout avouer immédiatement. Il l'a enterré seul? Mais je vois que vous ne comprenez pas encore. Mais vous y viendrez. Il y a des cas, mon petit ami, il y a des cas où nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de... De suivre notre conscience. La mienne ne me reproche rien. Et j'ai la prétention de l'avoir aussi chatouilleuse que n'importe qui. Vous êtes jeune, Maigret. Très jeune. C'est la seule raison pour laquelle je ne peux pas vous en vouloir. Monsieur le commissaire. Oui, il est là. Maigret. Oui. C'est pour vous. Le type qui a déjà téléphoné 3 fois est toujours à la même heure. Ah oui. Allô? Merci. Allô, Jules Maigret, l'appareil. Vu. Dédé. Ça va mieux, Jules? Ah. Dites donc, vous êtes libre à déjeuner? Oui, pourquoi? Ah, une idée à moi. J'ai envie depuis l'autre jour de vous emmener à Bougival, au bord de la Seine. Alors je viens vous prendre avec la de Dion-Bouton. Oui, je n'aime pas beaucoup les commissariats. Alors au coin de la rue Fontaine, ça colle? Ça colle. Ah, pauvre Justin, il va encore se casser le nez. Dites-moi, Besson, vous voulez lui dire que je le verrai ce soir? Enfin, ou demain. D'accord. Alors, elle est pas mignonne, ma petite guinguette? Gustave? C'est Dédé. Gustave? Alors, un gueuleton bien soigné, hein? Mm-hmm. Alors, pour commencer, une bonne friture, avec rien que des goujons. Hein? Ah, d'accord. Bon. Et puis, va donner un coup d'épervier pour nous les cuire vivants, hein? Eh bien, j'y vais tout de suite. Bon, ensuite, alors, ton coq au vin rosé de Beaujolais, tu sais. Mm-hmm. Et puis, en attendant, alors, 2 absinthes bien tassées. Alors, Jules, surtout, laissez tomber l'eau goutte à goutte sur le morceau de sucre en équilibre sur la cuillère à trous, hein, pour qu'il se désagrège lentement, lentement. Ah, mais on n'attache jamais assez d'importance à cette préparation de la verte. Eh ben, bourrez votre pipe. D'accord. Voilà. Comme ça, on peut causer peinard, hein. Si j'ai tenu à vous voir, eh ben, c'est qu'au fond, je vous aime bien. Dites donc, mais où est Lucille? Moi, je m'attendais à la voir de la partie. Ah, ben, je l'ai conduite à la campagne. Ah. Vous avez lu le journal? Oui. Ah, ben, pour des fortiches, ils sont fortiches, hein. Si vous aviez vu Lucille, elle voulait à toute force aller manger le morceau. Ah, j'ai eu du mal à la calmer. Parce que pour le salir, ils l'ont sali, Bob, hein, avouez-le. Et si je tenais ce Richard dans un coin, je lui casserais volontiers la gueule. Il a craché 50 000 balles et puis il se croit à l'abri. Et, enfin bon, passons, allez. Parlons plutôt de vous. Ben, moi, on ne m'a pas permis de continuer l'enquête. Je sais. Je suis payé pour le savoir. Que je me fasse oublier, et j'avais mon condé. Non, ce qui m'a soufflé, moi, c'est le truc du maître d'hôtel. Vous y croyez, vous ? Non. Bon, sinon vous auriez baissé dans mon estime, je vous le dis tout de suite. À votre avis, qui a joué du pétard ? Ben, pour moi, c'est Lise Gendreau. Ouais, c'est juste. Vous n'avez pas connu Bob, c'est dommage. Le plus chic type de la Terre, sans une miette de méchanceté. Je sais pas qui a rencardé Lise. Mais elle savait qu'on pouvait trouver Bob vers les 5h30 après les courses dans un bar de l'avenue de Wagram. Elle y est allée ? Ah, et comment ? Et sans voilette. Elle lui a dit qui elle était, qu'elle habitait le château d'Anseval, qu'elle s'intéressait à lui, qu'elle serait heureuse de le recevoir chez elle. Mais il a couché ? Oh, c'est sûr. Oh, c'est sûr qu'il se l'envoie. Oh, oui, c'est sûr. Même qu'il l'emmenait dans l'hôtel de la rue Bray pour voir jusqu'où elle irait. Vous comprenez ? C'était un beau gosse. Mais elle, c'était pas du tout une poupée à entrer dans un hôtel comme celui-là, rien que pour le plaisir de s'envoyer en l'air. Non. Puis alors avec ça, pas plus de tempérament qu'un caillou. Hein. Ah non. Oh. Une autre verte Non. Bon, ah bah, j'insiste pas. Aujourd'hui, j'ai pas de raison de vous saouler. Ah, voilà la friture. Là, merci. Et vous m'en direz des nouvelles, hein. Et également de ce petit vin blanc de la Loire. Merci, ça va. Merci, ça va, on va se servir. Non, ce qui sidérait Bob, c'est l'envie qu'elle avait de l'épouser. Elle lui a mis le marché en main, y compris qu'il n'aurait pas besoin de travailler, qu'elle lui ferait une petite rente. Elle avait envie de se payer un titre et des ancêtres. Et savez-vous de qui venait l'idée du mariage ? Du vieux. Ah oui, le fondateur des cafés Balthazar. Hein ? Avouez que ça vaut la peine d'être venu déjeuner à Bougival. Et il paraît que le bonhomme, qui a commencé comme colporteur, entre parenthèses. Ah bon ? Ah oui. Il paraît que le bonhomme rêvait d'avoir des petits-enfants d'une noblesse authentique. Ah. Alors, dans son testament, il a mis des clauses qui ont agité toute la famille. Parce que ces gens-là, avec leurs millions, ça voit loin, hein ? La fille du vieux, la mère de Lise et de Richard, avait déjà hérité 51% des actions. À la mort de leur mère, Lise a reçu, elle aussi, 51% et Richard, 49%. Mais alors attention, tenez-vous bien, si Lise épousait un Anseval, elle recevrait toutes les actions à charge pour elle de verser à son frangin une pension équivalente à sa part. Alors ça signifie que Richard n'aurait plus rien en avoir. Avec les cafés, avec le château, rien, etc. Alors, pourquoi un compte d'Anseval et pas un autre compte ? Alors, Bob a saisi la coupure tout de suite, et ça le faisait bien rigoler, le Bob. C'était une revanche pour le colporteur. Il avait acheté le château et les fermes, mais les Anseval, dans leur retraite discrète, n'ont pas une seule fois voulu le recevoir à dîner. Et vous allez voir comment un homme peut bêtement laisser sa peau. Le Richard Gendreau veut lui aussi être le patron. Et pour ça, il tient au mariage de sa sœur en précisant à Bob qu'il lui affilerait autant de fric qu'il en voudrait, à la seule condition qu'il balade sa sœur, qu'il l'amuse. Bref, qu'il lui fasse perdre le goût des affaires. Eh ben, vous y êtes cette fois ? Oui. Bon. Alors Bob, lui, réplique qu'il n'a pas envie de vendre un nom, qu'il ne se donne même pas la peine de porter. J'ai dit que Bob, attention, était un chic type. Mais pas un petit saint non plus. Il lui est arrivé, comme à tout le monde, d'imiter les signatures sur des traites ou des chèques. Bon, ça c'est pas bien méchant. La preuve, personne n'a porté plainte. Ça finissait toujours par s'arranger. Eh ben, vieux Jules, cette gueule d'empeigne de Richard avait racheté, Dieu sait comment, toute une collection de ces paplards-là. Si vous n'épousez pas ma sœur, qui lui dit, je vous fais boucler. Et quand vous l'aurez épousé, si vous ne filez pas droit, je vous fais boucler. Ah, je vous jure que le Bob, il regrettait d'avoir sauté la petite. Parce que elle aussi, elle voulait rester la patronne. Mais quand vous avez conduit Bob rue Chaptal la nuit du 15... Ah bah oui, il avait décidé d'en finir. Ah, pour moi, maintenant, ça devient déjà beaucoup plus facile à reconstituer. Quand Bob déclare qu'il refuse le mariage, Lise pique une crise de nerfs Et le frère se fâche. Mmh. Quand Bob a voulu révéler à la demoiselle la petite combine imaginée par Richard, celui-ci a dû se jeter sur lui pour l'empêcher de parler. Alors ils se sont empoignés, une bataille crapuleuse dont un larbin a coûté les échos derrière la porte. Ah bah dites donc, c'est à croire que vous y étiez. Hein. Et la guerre s'est vraiment affolée. Bah, la preuve, son premier mouvement a été d'appeler au secours par la fenêtre. Et puis alors, je me demande si elle n'avait pas fini par être vraiment pincée pour Bob. Ah oui. Pas sensuellement. Non, il est en bois. Mais il était tellement différent des frigorifiés qu'elle fréquentait. Quand elle a vu que Bob avait le dessous, elle a perdu la tête. Elle a tiré. Par malheur, elle ne doit pas savoir viser. Elle a attrapé Bob en plein ventre. Et après le coup de feu, quand j'ai vu le passant qui ébranlait la porte pour se faire ouvrir, moi j'ai préféré me carapater. Et nous avons réfléchi, Lucide et moi, en ne voyant pas Bob revenir. Je suis allé trouver le gendreau dans son bureau. Alors, le bureau, des boiseries partout, une vraie sacristie. Et il a craché tout de suite. Vous êtes tombé à pic au moment où on allait mettre les bouts pour la Belgique. Ah non, mais c'est vrai que vous êtes rudement futé. Allez, à votre santé, mon vieux. T'as de canaille. Heureusement qu'on va vivre à la campagne. Avec Lucille ? Elle n'a pas dit non. Non, on a 50 000 balles, ou presque quoi. Moi, j'ai toujours rêvé de tenir un bistrot au bord de l'eau avec des clients qui sont des copains, pas trop loin d'un champ de course. Et demain, j'irai me promener du côté de Maison Lafitte. Oui, à chacun son bonheur. Oui. Les gendreaux dans leur forteresse. C'est pas seulement une question d'argent. À partir d'un certain degré de fortune, c'est pas l'argent qui compte, hein, c'est la puissance. Mais oui. Eh oui, il faut que ça soit bien ancré dans leur chair pour qu'une jeune fille en oublie ses 21 ans et ne songe qu'à un bureau directorial, comme sa mère l'avait fait avant elle, d'ailleurs. Être le grand patron ou la grande patronne. Quant à moi, la semaine suivante, je passais mon examen. Le fameux manuel que vous étudiez justement la nuit où le flûtiste avait fait irruption dans votre bureau... Et dans votre vie. Et j'étais convoqué au Quai des Orfèvres, chez le grand patron, Monsieur Xavier Guichard. Alors, mon petit Jules, le commissaire Lebray me dit que tu boudes toujours. C'est Lise Gendreau qui a tué Bob. Probablement. Comment vous le saviez ? Je m'en doutais. Si cela avait été son frère, Louis, le maître d'hôtel, ne se serait pas sacrifié. Et la vérité ? Quelle vérité ? Tu peux rallumer ta pipe. Lundi, tu entres comme inspecteur dans la brigade des homicides du commissaire Barodet. Tout à l'heure, vous m'avez accompagné à mon rendez-vous au siège social des cafés Balthazar. Et j'ai été reçu par la directrice, la comtesse Lambertini. Alors j'entrais donc pour la première fois dans ce fameux bureau que Dédé m'a d'ailleurs comparé à une sacristie. Et dans le fauteuil directorial trônait la comtesse Lambertini, née Lise Gendreau. Non, Lise Gendreau ? Elle a fini par devenir comtesse. Oui, comtesse italienne, mais enfin comtesse quand même. Alors calme, froide, comme le vieux Balthazar dont le portrait va du plancher jusqu'au plafond et qui a l'air de se payer notre tête. Commissaire, je crois inutile de vous recommander la discrétion. Ma fille a, malheureusement, le caractère de son père. Elle s'est laissée entraîner par un individu sans scrupules, qui l'a emmenée en Angleterre, où il a obtenu une licence de mariage. Il ne faut à aucun prix. Pourquoi souriez-vous ? Ça n'a rien d'amusant. Excusez-moi, madame, je ne me moque pas, mais... Voyez-vous, c'est la seconde fois en 22 ans que je tiens l'honneur des Balthazar entre mes mains. Ah oui, rappelez-vous, ça remonte à la rue Chaptal. J'étais secrétaire du commissaire Lebray du quartier Saint-Georges. Ah oui, le petit secrétaire qu'il a fallu écarter. Je me permets de vous rappeler que je suis le commissaire Maigret, chef de la brigade spéciale du Quai des Orfèvres. Alors je transmettrai votre requête à la section des recherches dans l'intérêt des familles. Voilà, le caractère du vieux qui se transmet par les femmes. Eh oui, l'expérience de ma première enquête devait par la suite m'éviter bien des jugements téméraires. Mais il y a 22 ans, en sortant de chez Guichard, je me sentais des ailes. J'avais hâte d'annoncer la nouvelle à ma femme. Et pourtant, c'est qui me guettait à la porte sur le quai. l'inévitable Justin Minard. Mauvaise nouvelle ? Je suis promu. Vous quittez le commissariat ? Dès demain. Oh, ça s'arrose, à la brasserie Dauphine, comme il se doit. Ah, et ta femme ? Pas d'importance. De toute façon, je joue à côté dans un musette du Boulmiche. Et non plus de la contrebasse, mais du cornet à piste. Madame Maigret, salue un nouvel inspecteur de la brigade du chef. Entrez, monsieur l'inspecteur. Ah, et n'oubliez pas vos bâtons. Oui. Et ton chapeau. Tiens, mon chapeau. Ah, bah tiens, j'ai pas mon chapeau. Ah, bah attends, ça, j'ai pas mon chapeau. Tu sais ce qu'il m'a dit, le grand patron? Non, je peux pas te le répéter. Non, tout ce qu'il m'a dit, mais c'est un père, tu sais. C'est un père, tu comprends? Alors, elle y a... porta ses pantoufles et lui prépara du café fort. Balthazar. F-I-N. Fin. La première enquête de Maigret, de Georges Simenon. Adaptation Eulalie et Jean-Jacques Stine. Avec Daniel Gélin dans le rôle de Maigret. Maurice Biro, Dédé. Jacques Castelot, le commissaire Lebray. France Delahalle, Lise Gendreau. Marthe Mercadier, Germaine. Françoise Lugagne, Lucille. Pierre-Olivier, Richard. Jean Rochefort, Justin Minard. Claire Viret, Madame Maigret. Et Georges Aubert, Bruno Balpe, Maurice Bourbon, Jacques Cornet, Claude Dasset, Henri Janic, Patrice Galbeau, Liliane Gaudet, Gaëtan Jor, Jean-Pierre Lituac, Jean Péméja, Marie-Françoise Sillière, Lily Sioux. Bruiteur Louis Amiel. Chef opérateur du son Joseph Rémiot. Collaboration technique Bernard Astier. Assistant Michel Bossuet. Direction artistique Jean-Wilfried Garrett. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 octobre 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.